Bonjour, c'est Caroline Love sur RQC. Bienvenue à 80 à l'heure. On appuie à fond sur le champignon, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Bravo. J'espère que vous allez bien, chers amis RQCR, RQCN. Une nouvelle émission qui démarre ce soir au complet. Yes. Oui, ouais, ça faisait longtemps, on est tous là, que ce soit l'ordre masculin, tout comme l'ordre féminin, tout le monde est là. Voilà. Alors l'ordre féminin, je ne sais pas si c'est vraiment un ordre, je dirais plutôt le désordre féminin, mais bon, elle est là, elle est avec elle nous. Elle assume. Et oui, elle assume, c'est Onissa qui est avec nous, bonsoir Onissa. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, plutôt bien puisque tu es là. Ah oui, moi je vais très bien. Alors ce soir Onissa, petite chronique. Oui, souvenirs d'enfance. Oui, alors et pas les tiens quand même. Mais non, on va pas rentrer dans les le tiens. Corps. Elle t'a espionné pendant que t'étais petit et... Ah bah ça va aller vite, hein. Ça ouais, va mais vite alors fait, là, hein. J'ai des émissions pour au moins 15 ans. elle va parler des guêtres et tout ça. Ah oui, d'accord. Parce que si tu parles des tiens, bon, écoute, Charles de Gaulle, c'est sympa, mais bon, c'est pas tellement années 80. Bah, il a bien travaillé pour la France, je suis désolé. Oui, peut-être, mais pas pour les années 80. Bah, on y est arrivé, parce qu'il a quand même bien travaillé avant. Ah ouais, oh, ah bon, je sais pas, peut-être, peut-être. Eh bien, en parlant de Charles de Gaulle, il est avec nous. Il est revenu, ça faisait quelques semaines, c'est notre Arlésienne à nous, Canon qui nous revient. Français, française, oui je suis revenu, salut, je suis content d'être là. D'un long périple hein, quand même, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oh, il y a trois semaines. Oui c'est vrai, c'était pour la Miss. J'étais là avec la Miss Moucron. C'est vrai, et donc tu auras plein de choses à nous raconter. Oui, oui. Une petite chronique en préparation. Non, j'ai pas le temps. D'accord, mais bon par contre, vu ton actualité, tu vas pouvoir nous parler de concerts, de spectacles, d'élections. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, oui, en préparation, mais pas que la mienne, il y a beaucoup de choses dans le cercle moucronois, ouatrelosien, tout ça qui va se passer, ouais. Qui vont se passer. Et bah, tu nous parleras de tout ça, excusez-moi, évidemment. Excusez-moi, je m'entends pas dans le casque. C'est vrai ouais, mais nous, on t'entend, hein, t'inquiète. Oui. Ouais. Ouais, nous, on t'entend bien. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, voilà. Oh, quelle voix. Vous allez comprendre après pourquoi il s'entend un peu moins bien dans le casque. Hein. On vous parlera du technicien qui est avec nous, évidemment. On a renouvelé sa période d'essai. Mais en attendant, accueillons évidemment Flipkat. Eh oui, bonsoir à tous. Salut Flipkat, comment ça Salut. Va Salut. Ben, ça va, merci et toi. Bah, ouais, super, qu'est-ce que t'as préparé ce soir? Bah comme d'hab quoi, rien. Bah, ça a moins le mérite d'être clair. Ouais, non, mais y a un gros problème, c'est que ouais, je peux toujours faire la chronique niveau papier, mais après... Après, au niveau des morceaux, tu peux le faire à la bouche. Ah ouais, oui. Bah, tiens, pourquoi pas. Préfère avec ta bouche d'ailleurs. Chanter, puis faire les instruments aussi avec la bouche. Ah tout oui, en tu même temps, nous ouais. Fais la totale, chez. Ah bon, oui. Fais le pipeau, tu vas voir, Onissa ouais, va c'est souffler. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi qui sais bien faire le pipeau, Flipkat. Onissa va souffler. En parlant de pipoteur, nous sommes aussi avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Sherlock, il y a eu une semaine assez chargée. Une quinzaine, quinzaine assez chargée, ouais. Qui a déménagé. Oui. Voilà, qui a déménagé et qui a oublié de prendre son gel avec. Ouais, aussi, ouais. T'as les yeux. Attends, et c'est l'hôpital qui se fait charité. Mais moi, j'en mets jamais. T'es dégueulasse, il a mis dans ses yeux, regarde. Son gel. Ouais. Ils sont chargés aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas très radiophonique, mais d'habitude, il nous fait une coupe à la Kenji Girac, là, pour l'instant, coupe à la Cabrel. Et puis, c'est la Gypsy King, là. Ouais. Ou à Playmobil, plutôt. Playmobil, il a perdu son book aussi, enfin, une partie de son book. Ouais. C'est vrai. Je trouve Jean-Pierre Foucault, mais après l'accident. Et je l'ai remarqué tout de suite en rentrant. J'ai pu me raser il n'y a pas très longtemps parce que je ne retrouvais plus mon rasoir. Il était paumé dans un carton. T'aurais dû demander celui de ta femme, elle te l'aurait prêté. Oh, attends, ouais. Tu t'es déjà rasé avec un rasoir de femme après qu'elle se soit épilée, mais tu t'arraches la gueule. C'est vrai. Ah, bah, comme moi, quoi, ils ont des poils plus durs que nous. Hein. Et tu déconnes, moi je trouve qu'ils fonctionnent beaucoup mieux les rasoirs de femme. Ouais, non utilisé. Lui parle utilisé. Non, mais sérieux. Non, non, mais moi je parle utilisé une fois que vous êtes rasé la moquette. Ah oui, d'accord. Non, ouais, peut-être après. Chers, ouais, ouais. Peut-être qu'après, ouais, c'est un peu. Ah, c'est terrible. C'est mais des troncs qu'elles ont. C'est pas des poils. Ouais, ouais, c'est des quoi? Des troncs. C'est vrai, ça. Du cruau, quoi. C'est... Normalement, il faudrait passer la débroussailleuse avant. Bah, il suffit d'avoir le bon matériel, les garçons. Bah, ouais, ouais. Allez, blague à part. Oui. Ce soir, évidemment, Sherlock, à 21h. Oui, la chronique Ciné Rétro 80. Ouais. Avec un film de 1980. Non, ah, bien, ouais, tour en lieu. C'est beau. Ouais, enfin, je crois qu'il est sorti en 81, en fait. Ouh, en 81. Oh là là, ça y est. Il est sorti en 81. Et on y a cru, on y a cru à un moment, on s'est dit, ça y est, il a préparé son truc. 80, il a, ouais, il a été tourné en 82. C'est ça. Non, non, non, il a été tourné en 80 et sorti en 80 aux États-Unis, mais sorti en 81 en France. D'accord. Ah. Mais je crois que très souvent, les films sortent avant aux États-Unis. Ouais, il y a souvent un décalage de 6 mois. Parce que à peu surtout près, qu'ils ont besoin quand même en post-production de le traduire, donc j'imagine qu'il sort un peu plus tard, quoi. Enfin, je pense. Ben maintenant, c'est plus le cas en fait. Ils font déjà tous les doublages d'un coup. Par exemple, un Star Wars va sortir dans le monde. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Et même, on l'a des fois un jour avant en France par rapport au reste du monde. Il y a eu ça là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le film sortait aux États-Unis. Ensuite, il arrivait en France. Il fallait le doubler. Et ensuite, il sortait en salle. Et d'ailleurs, ils sortent maintenant en même temps pour la simple et bonne raison que. Bah, y a du piratage. Exactement, pour éviter le téléchargement illégal. Et oui, comme ça, moi, il sort partout en même temps et personne ne peut l'avoir avant. Tout le monde peut le télécharger en même temps. Ah, tu sais que pour savoir s'il y avait un couple, mais enfin, bon, évidemment, ils ont un peu d'argent. Ils avaient pris l'avion de je sais plus où, mais pour aller en Chine, traduit, etc. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens, ils voulaient le voir en priorité. Et comme le film avait quand même un décalage de 4 à 5 heures, ils sont partis de Los Angeles par Dubaï, par machin, pour aller voir en priorité Star Wars et revenir. Faut avoir du goût et des moyens. Hein. Ouais, c'est ça, avoir de l'argent surtout. Ouais. T'imagines. Il faut aimer Star Wars. Bah, il faut avoir des moyens surtout. Ouais, il faut être cinglé surtout. Et donc, ça, c'est à 21h. Et bien sûr, à 22h, tu vas nous donner envie d'aller dans les salles obscures. Ouais, j'espère. Respect, franchement. Hein, parce que moi, j'ai dû le faire la semaine passée très, très raccourci. Et franchement, c'est du boulot. Et franchement, elle n'a pas donné envie d'y aller, hein, je te le dis. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis désolée. C'est pas évident de trouver des films déjà qui vont, de une, vous plaire à vous et de deux, plaire aux auditeurs. C'est vrai. Et c'est. Ouais, mais n'empêche que j'ai réussi. C'est parce tellement que éclectique. Il y a tellement de films qui sortent. Il y a entre autres des bons films, mais aussi beaucoup de, on va dire, de daubes qui peuvent sortir, qui se fondent dans la masse. Qui, quand tu regardes la bande annonce, tu dis ah ouais, ça va être bien. Et quand tu le regardes, tu dis ah ouais, c'est ça. Ouais, il y en a. Ouais. Tu dis bon bah voilà quoi. Plus d'un d'ailleurs. C'est ça. Donc après, le problème, c'est que je n'ai pas l'occasion de les voir en avant-première quelques semaines à l'avance. Donc bah, quand j'en parle, je suis comme vous, je le fais par rapport à mes impressions. Donc après, il y a des films que je vais voir, mais après coup. Tu devrais peut-être parfois aller le voir avant. Parce que... Bah ouais, je sais. Ça nous éviterait nous d'aller le voir après. Alors là, moi, j'ai eu un petit temps ce week-end, je suis allé voir Fast and Furious 8. Ah, d'accord, bah tu vas nous en parler alors. Ouais. Ok, eh ben ça marche. Moi de mon côté, je vous ai préparé deux petites chroniques. On t'a pas dit bonsoir Harry. Oui, bonsoir Harry. Bonsoir. Moi je vous ai préparé deux conneries en fait. Hein. Ça m'amuse, mais Canon. Oui. Tu sais comment on appelle un mec qui collectionne des appareils photo? Eh ben tu le sauras tout à l'heure, puisque je vous parlerai tout à l'heure du. Bon, il y a pas mal de collections, hein. Tout le monde collectionne à la fois du bouchon, ça va du collectionner des cigarettes, des nœuds papillons, j'en passe des meilleurs, des faire-part de décès, voilà, et j'ai des de nombreux. Et ouais, bah ouais, il y a même les nains de jardin hein, pour toi. Ah oui, oui, c'est vraiment pas possible. J'aime que ce qui est grand. Voilà. Il y a des gars qui collectionnent les avis de décès. Ouais, c'est vrai. C'est David décès. Il y en a plein. Il y a les sous-bocs. C'est qui décès? Les boîtes de camembert aussi. Les fèves. Ah, il y a de tout. Ah, y a de tout. Ah, les timbres, ouais, déjà. Des papiers buvards, des timbres papier postaux, buvard. Des pins, ouais. Des épinglettes, des étiquettes de bouteilles d'alcool pour Flipkat. Des emballages de sucre. Non, mais lui, il garde les bouteilles qui a autant de. Moi, je garde des. Et un gars qui collectionne les emballages de préservatifs? Ah, mais ça doit exister. Un baiser. Ça, ouais. C'est général, canon est de retour. Non, c'est ça. Et si on a le temps, eh ben écoutez, comme c'est bientôt la période du bac, là, c'est le bac français, j'ai sélectionné quelques perles du bac, histoire de se prendre un peu la gueule. Ça, voilà. Allez, continuons la musique. Oui. Alors, avec les Fine Young Cannibals et She Drives Me Crazy. Ouais. Et ensuite, avec Michael Jackson et Bad. Oh, yeah. Il faut savoir qu'à la base, ça devait être un duo. D'accord. Avec Prince. Ah ouais. Ça devait être un duo avec Prince, et en fait, bah, la première phrase de Bad, c'est « Your butt is mine », ton cul est mien, oui. Et ça n'a pas plu à Prince, donc il n'a pas voulu le chanter. Ah, il dit vraiment ça, « Your butt ouais, is mine ».« Your butt is mine, got hate right ». C'est donc romantique. Donc il n'a pas voulu le chanter, ouais, bon, et alors si vous voulez voir le clip en entier de Bad, il fait environ 18 minutes, c'est Martin Scorsese qui a fait le clip. Ouais. Et dans le clip, il y a Wesley Snipes qui joue le méchant qui est face à Michael Jackson. Et qui montre son cul. Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Bah, your butt is mine, c'est pas. Il montre ouais, ça, non, mais bon, après, c'est le pseudo-langage loubard de l'époque. Oh yeah. Et ouais. Bah, écoute, à toi de jouer. Allez, bah, c'est parti. Me. All right. Version Mélenchon. Merluchon. Non, plutôt version. Comment il s'appelle l'autre fou là? Oh, pardon. Pardon. Excusez-moi, je parle de politique. Mais... Ouais. Ah ouais, non. La salle. C'est tout. Ouais, alors. Je sais même pas les programmes des. Ah, moi non plus, hein, mais c'est lui, il fait peur, lui. Des personnages politiques, parce que j'ai pas eu le temps enfin, depuis quelques semaines. On risque rien avec lui. Hein. J'en entends parler. Non, on risque pas de l'avoir comme président déjà, mais. J'en entends parler de ci, de là, mais. Ouais, ouais, mais c'est le personnage. Moi, après, c'est pas le programme. Hein, mais le personnage est comme Poutou, quoi. Il me fait rire, quoi. On dirait une marionnette. Sérieusement, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Touriste. Mais hein? Je sais pas, moi, alors. Quoi? Un touriste. J'ai entendu que apparemment si Poutou était élu, il voulait pas du poste. Donc ouais, il se présente, mais c'est pour faire chier les autres. Bah ouais, je sais bien. Je trouve la démarche assez sympa, mais enfin, après c'est un peu con quand même. Sans parler de politique, quand tu vois tout ce qui est en place, tout ce qui est en place pour savoir, enfin à vue de nez, tu sais déjà les deux candidats qui seront au second tour et pour finir. Sans parler de politique, mais tu te dis il y a tellement un panier de crabes là-dedans, tout ça, de qui couche qui baise avec qui pour finir, ils se tapent tous pour dire et surtout pas elle, surtout pas lui. On voit déjà les deux personnes qui vont se détacher à fortiori au second tour. Ouais. On se demande pourquoi il y a besoin d'un second tour parce que moi, moi j'ai toujours dit, quand tu votes pour un candidat, pourquoi tu voterais pour un deuxième ou second? J'ai jamais compris ça en France. Alors, pourtant, jamais, ouais, j'ai jamais compris. Vote de protestation, vote de machin, on ne va pas faire politique. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Je vote pour un tel, je vote pour un tel, et je me retrouve au second tour. C'est pas les deux candidats, mais je vais voter pour lui pour faire un vote de barrage parce que je veux pas d'elle et n'importe. Bah, tu votes pour un candidat, si c'est plus ton candidat, tu votes plus pour lui. Exactement. Je vais vous poser une question très con, mais au premier tour, il y en a combien des candidats qui sont 16, je crois, là. Non, 11. 11, 11, 11 pardon, non, ouais, excuse-moi. Ah oui, d'accord, au premier tour, 11. Mais on en vote pour, on vote pour deux. Ah, ben, oui, au premier tour, il y en a 11 qui se présentent, ça, ouais. Et il y en a deux. Et à voilà. La fin, tu fais la finale. Non, 3, il peut y en avoir 3. Il peut en avoir 3 s'il y a ballotage. Ouais. Ouais. S'il y a, il y a, je sais. C'est pour avoir 2. Mais bon. Moi, ça me fait peur. Ouais, ça, franchement, enfin, peur, pas dans le côté négatif, hein, mais plutôt peur. Non, mais peur, là, ça fait flipper quand même. C'est bon, marionnette. Bah, où est-ce qu'on va, quoi, enfin, honnêtement. Sérieux, même encore moi, je me pose encore la question, sérieux. Je vais voter Baudouin, de toute façon. Ça, je suis tranquille. Tu peux, mais à part que changer le pays. Plus 60 ans, c'est où on est arrivé. Qu'on est mort maintenant d'y aller. C'est terrible. Même, en fait, même... Alors, moi, je parle en tant qu'homme et femme, puisqu'il y a une femme, quand même... pour ne pas la citer, merci. Mais en tant qu'homme et en tant que femme, je me reconnais dans ni l'un ni dans l'autre. Mm-hmm. Enfin, voilà. Il n'y a aucun qui m'inspire sympathie, confiance ou je sais pas pour vous les gars. Surtout parce que dis donc, quand tu vois le marasme. Ouais. Bah, c'est surtout qui tu peux avoir confiance aujourd'hui. C'est surtout ça. Je veux dire, d'une manière globale, je pense que c'est surtout ça. Les Français veulent miser leur confiance dans un candidat et je pense que. Et moi, je pense qu'il faut voter pour Rico. Voilà, notre président. Écoute. Ah, Rico. Vu tout le bien qu'il nous fait pour l'antenne de RQC, notre président, il faut voter Rico, président de la France. Ça serait bien, non? Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est pas bête. Il peut pas, il n'y a pas de nationalité française. Oui, j'allais dire parce qu'on est juste en Belgique là. Eh ben, on va faire les démarches pour lui, on va lui prendre les papiers. C'est bien. T'imagines la tête. Il est peut-être un peu tard là. Ouais, c'est clôturé depuis longtemps. Il faut 500 signatures en plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, et puis on est que 50 à la radio, donc ça va être un peu compliqué. Ouais. Bah, c'est déjà un dixième des signatures. Il y en a qui l'ont pas eu. Hein. J'ai un petit maire de Bretagne pour l'anecdote, hein, parce que j'avais des contacts avec lui. Il m'expliquait comment ils étaient courtisés. Ah, bien sûr. Ah, terrible. Ah, bah, mais pas en pot de vin, mais en truc, c'est impressionnant. Les signatures, parfois, c'est du. Bah, c'est du viol quasiment. Tu te sens presque agressé. Hein. Ils se sentent harcelés par des conseillers, des gens, des trucs qui viennent, etc., pour aller leur choper. Des signatures, alors que le gars il dit non, bah, je me reconnais pas, un peu comme tu disais, pas actuellement, et t'as intérêt, quoi. T'as presque intérêt à signer, quoi. Je pense. Donc quand ça commence comme ça, déjà t'as compris que l'histoire des signatures, c'est rigolo, quoi. Et puis surtout que nous, on a rien à dire, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Ils ont des signatures, nous, on sait même pas qui, tout d'un coup on nous balance des têtes de liste, on sait même pas d'où ils sortent. Mais je pense que ça devrait commencer comme ça, c'est un vote sur 50 candidats pour déjà élire les 10 potentiels que la France considère comme les meilleurs, et après, qui élire dans les 10, tenir le... Route, ouais. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je veux dire ce que je pense, Mélenchon ou Fillon, machin, ou Le Pen auraient 38% et les autres 27, 30, 21, etc., ok, bon bah c'est celui qui a 38 qui gagne. Mm-hmm. Pourquoi faire un second tour? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'après t'as le rassemblement de qui couche qui fait des enfants co-sanguins avec tout le monde pour empêcher l'autre. Mais tu te dis bah non, s'il est là, c'est que logiquement c'est lui qui a été élu manifestement et c'est pas lui qui sera président. C'est rigolo. Oui, c'est vrai. Pas c'est rigolo, c'est étrange, quoi. Ouais, c'est étrange. C'est... Bon, Sherlock, mets-nous un peu la lutte finale, s'il te plaît. Je sais pas. Mais chiffon rouge, allez. C'est ça, ouais. Il faut demander à chiffon rouge pour ça. Moi, je l'ai pas. Allez, sujet un peu plus léger. En tout cas, dans le sujet. Ouais. Bonissa. Quelle introduction. Oui, tu aimes quand c'est la première fois qu'on lui dit ça. Quelle introduction. Il y a Buggy d'arriver. Allez, un sujet quand même plus léger. Bonissa, oui, tu vas nous parler donc de souvenirs. Souvenirs d'enfance, alors vas-y. Alors, si je vous dis une émission tiré de Sesame Street. Tais-toi. Ah bah ouais, ouais, c'est facile, tu le donnes en anglais, donc en français, tu veux quoi le titre en français? Vie. Ah, Rue Sésame. Rue Sésame. Ouais, mais qu'est-ce qui a été tiré de Rue Sésame? La graine. Casimir. Ouais. Bah oui. Ah bah ouais. Bah oui, c'est pour faire plaisir à Sherlock. Okay. Alors, d'après vous, Casimir, ça vient de quoi? Bah, je te rappelle... Quand je parle là, je ne parle pas qu'à vous, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais ils vont pas nous répondre. Hein. Ah, on lui a pas dit, mais on te fait croire que c'est en direct. Eh ben, je m'en fous, je m'amuse. Les gars qui commentent, en fait, c'est 2-3 potes à qui on demande de mettre. Mais vous rappelez le nom des personnages en Rue Sésame? Oui. Bah, attends, tu permets quand même. Oui, le facteur. Mais laissez-le faire sa chronique. Voilà. Bah, ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, mais Sesame Street, je connais pas. Vas-y, raconte. Bah, c'est Henri Sésame. T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Bah oui, comme toi. Ah, d'accord. Alors, vas-y, Henri Sésame. Bon, alors, donnez-moi les amis de Casimir. Hippolyte, hein. Et son cousin. Ah, Hippolyte, c'est vrai. Son cousin Hippolyte, ouais. Ouais. Après. Il y a le facteur. Qui s'appelle. Ouais. Ah, c'est... ah, bien vu, bien vu. Bien. Julie. Absolument. Ouais, mais attention. Il... ta femme, toi. Non, mais ah, j'ai suivi. Il triche parce qu'à mon avis, en Angleterre, il passe encore. Non. Non, non, non. Non, non, non mais je l'ai suivi. Non, en Angleterre, ça c'est complètement. Qui passe. En fait, c'est là, je voudrais faire l'enfance de Flip 4, autant où il était devant Casimir. Non, non, j'avoue, j'ai regardé à une époque. Ouais, ouais. Mais Flip 4, le matin, il se lève, il est devant les Télétubbies. Les Télétubbies. Et là, c'est sur XXL. C'est ça. Ouais, non, non, c'est pas les Télétubbies, c'est les télé. Non, on va pas le dire. Ah, merci. Les Télétubbies. Donc, il y a François, les Télétubbies. Julie. Ouais. Julie, ouais. Ouais, il doit avoir Léonard, non? Bah, t'as raison, t'es pas gêné, toi! Ouais, mais t'as raison, il y a Léonard. Ouais. Bon, et après? Alors là, je m'en rappelle plus. Il y en avait autant que ça, des personnages. Ouais. Il y avait une meuf. Bah oui, c'était Julie. Ah, Julie. Julie, ouais. D'accord. Elle était physique, elle. Je veux dire, c'était pas une marionnette. Non. Non, non, non. François non, et ouais. Julie, c'était. Elle tenait le kiosque. Ouais. Et c'était qui la compagne de Casimir en Anna? Ah oui, c'est vrai. Rose? Ah si. Bah si, il y en avait un en vert. Bah enfin vous rigolez. Bah, Hippolyte, ouais, son cousin. Hippolyte, c'est son cousin. La nana, okay. La nana de Casimir. Bah ouais. C'est Laurent, j'en suis sûr. Ah bien sûr, ah, c'est sûr qu'il y avait une ou sa cousine ou sa sœur ou sa nana, mais il y avait ah, une. Ah c'est Julie Gaillet, non? Ouais c'est Julie. C'est elle. Non mais habillée en style Casimir mais en rose. Ah ouais c'est possible. Ah, je suis sûr. Ah ouais ça je m'en souviens pas. Ah, bah c'est un épisode inédit ça. Ça doit être remasterisé. Non mais sérieusement, bah allez Sherlock toi qui. Il y avait un Casimir femme. J'ai pas souvenir en soi, hein. Sérieux. Bah écoute, je me souviens plus. Elle a peut-être pas. Elle était pas parue. On regardera. Pendant la pause musicale. C'est peut-être bien possible. Ouais, hein, je t'avoue qu'il m'a mis le doute en tête, et c'est peut-être bien possible. Mais elle a peut-être pas fait beaucoup d'app. Voilà. Ouais. Je ne sais pas le dire. Je te remercie. Mais après, il manquait aussi un aristocrate. Ah bon, Harry. Aristocrate. Monsieur du snob. Ah oui. Monsieur du snob. Et ça recommence, Monsieur du snob. Il faut son prénom aussi. Ouais. Jean? Non. Je me souviens plus par contre. Tu vois, Dominique du snob. Fulbert Anselme. Comment tu dis? Hubert Anselme. Fulbert. Ah, Fulbert. Wow. Anselme. Je connais les pneus Fulmen, mais sinon. Oh là là là. si, allez. Et alors, Casimir à l'origine, il était quelle couleur? Ah bah du coup il était jaune. Oui, alors il avait une maladie de peau en fait. Non. Il y avait un vitiligo, c'est ça? Non, non. Ah parce qu'il n'était pas orange à l'origine. Non, non. Ah bah, il y avait une dépigmentation. Il était voilé, non? À l'origine, il était vert. Ah, il était vert. Bah ouais. Moi, ça me rappelle vert, justement. Il était vert. Ouais. Et il s'appelait comment? Vladimir. Green Zimir. Vladimir. Non. Green Zimir. Il s'appelait Plocus. Plocus. Et alors, ils l'ont fait changer de couleur parce que le décor était fort ouvert ici et là, bah, pour le démarquer du. Ah, mais c'était pour les incrustes, à mon avis. Et ils voulaient pas, mais en vert et contre tout. Il n'y avait pas d'incrustes à l'époque. Hippolyte était vert. Hein. Ouais. Oh, il y avait certainement des incrustes oui, à l'époque. Oui, mais bon, comme lui, c'est le personnage principal. Ah oui, mais j'ai Hippolyte était vert. Comme c'était beau, fort, un décor fort vert ici et là, ils ont changé de couleur. Donc ça faisait trop militaire en fait. Non, mais ça, il faut savoir déjà qu'à l'époque, à la télé, le vert ne pas. Enfin, on portait rarement du vert à la télé ça parce que ça porte la poisse et parce que ça passe pas bien. Enfin, ça passait pas bien à l'époque au niveau des caméras. Ah, peut-être, mais je sais pas. Donc, si ça avait une connotation écologique mais pas en fait. La télé, hein. Si, à la télé, parce que le décor était aussi. Fort végétal. Moi, et alors ils l'ont. J'ai une photo d'Hippolyte en train de se reproduire avec Casimir. Non, bah si. Il est en vert. Oh là là. Ah oui, oui, effectivement. Voilà, je vous invite tous à taper femme Casimir et vous allez voir. C'est... Et alors, la femme rose. C'est Casimir X. Ouais, oui, il n'y a pas, je trouve pas. C'est pas Casimirella, non? Non, non, j'étais convaincu qu'il y avait la copine de Casimir à un moment, qu'il y avait une fille Casimir. Ouais, bah tu vois, ça me dit rien du tout. Non, je sais pas, moi non plus. Là, je bug. Non. Et alors, et Casimir, il venait de où? Bah, de l'émission, je te dis. Bah oui, évidemment. Il venait du vestiaire de gauche, souvent. Mais à Antenne 2, c'était à droite. Ah non, non. Non, non, mais c'est quoi? À l'origine, c'est un... Et après, il y a atterri à TF1. C'est un dinosaure. C'était sur... Oui, c'est un dinosaure. Ah, ouais, dinosaure. C'est de la famille des... C'est pas un tyrannosaure, hein, avec la crête sous le dos, je sais plus comment ça s'appelle. Si je te dis Chérim... Pardon. Ah, c'est un... Ouais. Si je te dis... J'ai... Oui, je l'ai su, mais... D'accord. Si je te dis Thierry Manfray. Pardon? Thierry Manfray. C'est lui qui faisait la voix. Non, c'est lui qui portait le costume. Ah d'accord. Ah c'est lui qui fait. Ah ouais, qui fait. Bon alors, et que mangeait Casimir? Globi-boulga. Et la recette. Alors, ah, ça c'est un secret. On sait ce qu'il y a dedans. Alors, il y a de la banane. Il y a de la moutarde, la des saucisses. Du chocolat. Saucisse quoi De Strasbourg. De Francfort. À Francfort, ouais. Non. Non. De Morteau. Non. De Toulouse. Gabi. Ouais. Ah, la saucisse de Toulouse. Et il la servait comment? Dans le plat. Cuite. Ah, c'était dans un saladier avec une cuillère en bois. Non, cru, écrasé. Ouais. D'accord. Il y a chocolat aussi, non? Oui. Ah, et quelle marque de chocolat? Et il manque un ingrédient. Quelle marque de chocolat? On aimerait savoir parce que. Calbo, on est en Belgique. D'accord. Ouais, pourquoi ça pour du cacao Van Houten? Bah, Van Houten, non, fort, ouais. C'était un plat familial, le Globi-boulga, et c'était du chocolat poulain. Parce que quand il y en a poulain, il y en a poulotte. Voilà. Bon, bref, qu'il manque un ingrédient quand même. Ouais, si la moutarde. Oui, et après. Donc il y a de la moutarde. Et pas n'importe quelle moutarde. Hein. La Elpique, la marque. Non, la très forte. Ah, je suis désolé, c'est de la Elpique, parce que la moutarde, elle pique. Hein. Bon, alors, la moutarde. Le chocolat râpé, la banane bien mûre, la saucisse de Toulouse crue, et... Il manque un ingrédient. Il manque un ingrédient. Du lait. Non. Une petite touche de cognac. Bah, aide-nous. Pas d'alcool. Aide-nous un peu. Aide-nous. Ouais. Ça se place. Allez, on le mange au petit déjeuner. Des céréales. Non. Une femme. Des biscottes. Non. Ils ont mis une femme. Dis-moi que tu manges des biscottes au petit déj, Sherlock. Alors là. Non. On va le croire. La confiture. La confiture de fraises. Ouais. Et de la bonne maman en plus. Et ça c'est toute la recette. Oui, donc c'est confiture de ça doit être bien dégueulasse quand même. Et ben on va le faire un de ces quatre. On devrait le faire. Il y a eu des concours de mangeurs de Globi-boulga où ils faisaient ce plat avec la truc écrasée, t'imagines. Et les mecs ils s'en foutent. Ça doit pas être si mauvais. C'est la saucisse qui doit. Je crois que tu vas la tester en fait. La saucisse. Ouais, non, s'il n'y avait pas eu la moutarde avec la moutarde. Bah quand tu dis t'as le chocolat, le truc à la fraise, t'as de la banane. C'est vachement sucré. Tu mets la saucisse, mais bon, c'est pas cru. Dieu avec le cru. Ouais, mais bon, cru, on s'en fout. Il y a plein de trucs crus qui sont bonnes. Ouais. Hein, ah oui. On dit ça. C'est la moutarde, moi, qui me gêne. Ouais, bon. Ouais. Moi, je tente très bien. Mais on peut la mettre à part, la moutarde. Ah, non, on mélange. Non. On a un candidat pour le Globi-boulga. Il y en a deux. Flip 4, tu seras sûr. Ok, pour la recette du Globi-boulga. Ouais. C'est tout pour Casimir? Ouais. Bon, c'est pas mal. Par contre, Casimir, qu'on le voyait, ça, je suis certain, derrière, il était marqué rue Sésame. Parce que c'était le truc, hein, rue Sésame. Ben, elle vient de le dire. Oui, mais c'est tiré, c'est parce on que le voyait c'est tiré. Sur... Oui, mais c'est tiré de... Oui, mais en c'était fait, son adresse, en fait. Il habitait hein, rue Sésame. Oui, mais ça, c'est pour faire un rappel, parce que c'est tiré de ces... Il y a un truc qui est on le voyait tout le temps, je t'assure. Un rue Sésame, bah oui. Vous vous rappelez qu'il y avait ce... Il y avait un énorme oiseau, c'était bien rue Sésame. Un énorme oiseau? Oui, il y avait un... Je sais plus comment il s'appelait, il y avait un énorme oiseau dans rue Sésame. On peut être un lui. Non, pas un toucan, mais il y avait un énorme oiseau. Enfin, c'est ça qui m'interpelle. Dans l'île aux enfants? Non, un rue Sésame. Ah oui, parce que j'ai... Un rue Sésame, vous savez ce que c'est, en fait? C'est les Muppets. On confond. Sesame Street. C'est un rue Sésame. Ouais. Ouais, c'est pas dans Casimir. Il y a un truc qui me choque avec un rue Sésame. Il y a un truc, c'est un rue Sésame, c'est les Muppets. Bah oui, c'est ça, c'est ce bonhomme-là. C'est le Muppet Show. Oui, mais moi, j'ai pas dit un rue Sésame. Sésame Street, c'est... Oui, mais parce qu'on est parti là-dedans, Sésame Street, et c'était le rue Sésame. En fait, ça n'a rien à voir avec Casimir. Ok. Voilà. Merci. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc. Je vais me dire pourquoi j'ai retenu. Dans le nom des figurants, le facteur François, c'était Yves Brunier. C'est le seul acteur que j'ai retenu là-dedans. Bah, en fait, Yves Brunier, c'est lui qui a créé le personnage. Voilà, c'est pour ça. C'est bien pour ça que ça me revenait. Ouais. C'est lui qui a créé le personnage avec Christophe Huzard. Oui, ouais, absolument. Ouais, voilà. Eh ben écoute, merci pour cette rétrospective sur le Un rue Sésame. Eh ben on va continuer en musique. Non, sur l'île aux enfants, pas sur Un rue Sésame. Ah bon, sur l'île aux enfants. Ouais, mais moi je voudrais que Sherlock il nous fait quand même la voix de Casimir. Ah bah oui, évidemment, pour nous annoncer. J'allais faire la semaine passée, je dis non. Pour Sherlock, nous annoncer, évidemment. Eh bien, tout simplement, la suite de la musique. Voilà. Les amis. Ça, c'est puissant, la suite de la musique. Alors, les amis, tout de suite, on va écouter un petit morceau qui est déjà un petit peu plus rock. C'est ZZ Top avec Rose Bowl. Tu fais bien Zizi au Casimiro. Zizi. C'est vrai. C'est ZZ Top. Ça donne envie de faire des gosses. Avec Ralph Boy, donc c'est quand même une chanson de lover. Hein. Avec mon cousin Hippolyte, qu'est-ce qu'on a peu dansé là-dessus. Et ensuite, on reviendra avec Aerosmith et la chanson Angel. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il fait pas chouï. Bonjour les enfants! Excellent! Eh oui, je l'ai. Ah, ouais. Il est content, hein? Ah, bah oui. Ah, mais il est content! J'ai aussi le village dans les nuages, hein, s'il faut. Cougar! Attends. Cougar! Bah, c'était des bons souvenirs. Vous aviez quel âge, vous? Moi, je suis plus vieux que vous, déjà. Je le voyais quand j'étais gamin. Ouais, moi, j'ai vu... Et Rue Sésame, pour info, c'était ça. Ah oui. Ouais. Oh, ça, je me souviens plus. Non, moi, tu vois, non, j'ai plus... La musique, oui. Après, c'est une base classique. Ouais. Bah, on est dans le même style que... On est dans le même style que... Si, si, on t'entend bien. Parce que je m'entends pas, c'est pour ça. On est dans le même style que L'île aux enfants, hein, au niveau de des chansons un peu cantines. Oui. Ah, c'est toujours des par contre, qui se retiennent facilement. Je rebondis sur Christophe Izard, j'avais lu un article il y a un an de ça. C'est vrai que ce mec-là était quand même novateur parce que c'est Gilbert Carpentier aussi. C'est ça, Gilbert Carpentier. Ouais, Marie-Claire. Et voilà, eux et Christophe Izard, ils étaient un peu des précurseurs parce que dans les années 80, t'avais quand même des émissions pas mal formatées. Et c'est vrai que quand ils ont lancé Casimir, tout ça, c'était bien. Mais nous, on avait droit à quoi? Enfin, vous êtes plus jeune, mais il y avait Nounours, il y avait tout ça. Oui. Mais c'était beaucoup de choses. Ça n'avait pas évolué. Casimir, c'était déjà un standard différent. Et des acteurs s'étaient filmés avec le gars, il était dans un costume, mais c'était quand même filmé avec des vraies histoires. C'était des mini sitcoms, quoi. Et t'as appris plein de choses. Voilà, enfin, c'était pas du dessin animé. Ça avait l'air éducatif, ouais. Ouais. De mémoire, je sais plus. C'était pas du dessin animé. T'avais le renard, et... t'apprenais la langue française. Hein. Moi, je me souviens tout petit, j'ai appris quoi. J'ai appris à écrire oignon, oignon, il expliquait oui, tout. Oui, non, mais Onissa et moi, on a appris à écrire les oignons plus vite que vous, les enfants. Si, et, ouais, c'était et vachement. Quelqu'un se souvient de ça? J'allais dire Fraggle Rock. Ouais. Ah ouais. Et alors, bienvenue dans le monde des Fraggle Rock. Et vous savez, tiens, Canon veut le savoir. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Oui. Ah, toi, ça te touche de très très mal. Tu parles de quoi, le thème? Pas le thème, mais l'émission. Et oui. Bah vas-y. Alors Fraggle Rock est un feuilleton anglais à l'origine. Ouais. Anglais. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait un décrochage en France, puisque vous vous rappelez, il y avait ce vieux monsieur avec le chien. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et cette scène-là n'était pas du tout une scène anglaise. C'était une scène française et c'était tourné à Lille. Ah bon? Oui, à l'Espace Foire à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui était régisseur du son? Tonton. Ah, Serge. Et oui, et tu peux lui en parler. Il était fier de nous en parler. Moi, oui, parce que j'en avais parlé à l'époque. C'est mon nom, pour ceux qui écoutent, était en fait ingénieur du son FR3, mais il n'était pas plus calé, mais il était assez apprécié. On lui a demandé de faire des trucs assez particuliers dans des grandes émissions. Et au niveau son, c'est lui qui gérait donc tout le son de cette partie-là. Donc évidemment, Fraggle Rock, c'est anglais, tout se faisait en Angleterre, mais il y avait cette... il passait par les petits tunnels et il se retrouvait chez un vieux bonhomme qui avait un chien. Vous vous souvenez? Non, ça je m'en souviens pas. Si, un vieux bonhomme, c'est un acteur français d'ailleurs, je pense, alors peut-être qu'il est un peu mort. Nounours. Ah oui. Ça c'est horrible. Nicolas Parfum. Mais vous dites ça, mais moi, attendez, il y a un truc, je comprends pas. Moi je m'endormais à l'âge de 4-5 ans et mes parents me laissaient avec Nounours. Vous êtes beaucoup plus jeune. Ouais, mais si, parce qu'ils ont ressorti Nounours en couleur. Oui. Il n'y a pas si vieux que ça, si longtemps que ça. Nounours en couleur. Alors, il y a une quinzaine d'années. C'était au moment où De La Rue faisait une émission le soir sur France 2. Il y avait Nounours qui passait, je pense, juste après l'émission. Moi, c'était vraiment le noir et blanc avec le post-télé qu'on voit dans les années 70. Parce qu'on regardait Nounours et après on allait se coucher. Ouais, non, mais je te parle dans les années 90, 2000, il y a De La Rue qui avait fait une émission sur France 2, qui était vers 19h, je pense, à peu près. Et alors, c'était avant ou après l'émission, il y avait juste un truc de Nounours qui passait. Et Canon le disait à juste titre, nous on l'a connu en noir et blanc pour deux raisons. Parce que déjà à l'époque 70, on parlait pas encore des téléviseurs couleur. Bien sûr. C'est arrivé au milieu des années 70. Il y en avait peut-être encore. Thompson. Si, il y en avait peut-être, mais. Tout le monde ne pouvait pas se l'acheter. C'est ça. 74. Mon père, il a eu un premier téléviseur à Thompson. Mais tu l'aurais vu en noir et blanc. Donc il n'y avait aucun intérêt de le tourner en couleur. Bien sûr, absolument. Mais c'est dingue parce que c'est. Technicolor à l'époque. Ouais. La technique. Mais il y a un truc dont on a oublié et que ça ne se fait plus maintenant. C'est quand même à l'époque. en début de soirée aux alentours de 19h30-20h, on avait toujours notre dessin animé, vous vous souvenez? Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Hein. Oui, mais, moi, je me souviens très très bien. Le mardi soir, il y avait le mercredi. Le mardi soir, il y avait même un film de cow-boy et tout ce que tu veux. Ah, il y avait la dernière séance. Non, mais ça, c'est plus. C'est avant, avant la dernière séance, avant Eddie Mitchell, il y avait un film de cow-boy. Mais nous, en tant que gamins, on avait Nounours. Le journal, il était à 19h30. Le film commençait à 20h. Et les enfants, quand tu restais tard pour nous, c'était 21h30. Mmh. Maintenant, les gamins, tu les vois encore avec leur PlayStation, oui, leur machin, vrai. Avec leur portable à 23h en disant on va te coucher à l'âge de 6-7 ans. Quoi. Ouais, et tu te dis, mais moi, ma mère, à 7h30, j'avais mangé. À 8h, j'allais dormir en semaine. Ah oui, mais c'est Albator, ça, Albator, c'est mythique. Et ben, ça, c'était ce qui passait sur France 3 en début de soirée. Il y avait Ulysse aussi, il ne faut pas oublier. Ouais. Il y avait Watou Watou, vous vous rappelez? À ce moment-là, il y avait Goldorak. Si est-ce que vous vous souvenez le petit bonhomme qu'on dessinait sur une ligne blanche? Oui, on en parlait. C'était la ligne. Ah, Ulysse, c'était ça. C'était pas Alinéa, ça. Si. Alors ça, c'est Ulysse. Avec le cocotier. Non, c'est le cocotier. Le très blanc. Et les Shadok. Oui. Avec Claude Pied-Plu, on arrête les histoires. On a un invité, qui nous écoute derrière dans l'émission qui est en train de pomper. Shadok Pomper. Il pompait. C'est vrai, c'est et pendant ce temps-là, les Shadok Pomper. J'ai jamais aimé, moi, par contre. J'ai jamais compris la morale de. Quand tu le regardes en tant qu'adulte, maintenant, tu comprends bien quand tu regardes les élections et ce qui se passe et quand tu regardes le pauvre ouvrier, les machins et ceux qui s'engraissent et les Shadok Pomper. Et il y a ceux qui pompaient tout le temps et puis tu avais les, je sais plus quoi, les autres. Il y avait un vague souvenir. C'était très communiste, les Shadok. C'était très communiste. Et bah dites donc, on est très passéiste ce soir. Mais c'est bien. Mais ça tombe bien, c'est l'émission 80 alors. On est en plein dedans. C'était le moment de souvenirs. Absolument. Et bah tiens. Et ça fait plaisir. J'ai regardé récemment. Je vais rebondir. J'ai regardé récemment, c'est pareil. Tarzan, les Johnny Westmuller en noir et blanc. Ouais. On a une époque où vous étiez un petit peu plus déjà âgé, mais. J'en ai vu un récemment que j'ai téléchargé et je me suis dit, je vais le regarder jusqu'au bout, c'est insipide. Ah bah oui, mais tu bien peux sûr. Plus les voir. Oui, mais on aimait bien. Mais quand ils sautent avec les trapèzes, et moi je me souviens avec les trucs et tout ça, c'était à l'époque, c'était des trucs, tu te dis, qui avait été en Afrique ou prenait l'avion pour aller n'importe quoi. Maintenant tu peux te déplacer assez vite dans les pays. Oui, c'est à l'époque, c'était un éléphant, un machin. Quand tu le regardes maintenant, c'est au bout de 20 minutes, tu dis, je vais pas pouvoir. Bien sûr. Je vais pas pouvoir. Quoi. Johnny Weissmuller, qui était d'ailleurs un champion olympique de natation. Ouais. Et qui avait la particularité de, quand il faisait le crawl, il avait la moitié de son corps qui était hors de l'eau quasiment pour qu'il nageait. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire depuis le passé? C'est le manège enchanté. Avant d'aller faire dodo. Non, vraiment, ce n'est pas du luxe. Ah oui, avec des bulons et... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Le manège enchanté. Ouais, mais c'est version Tony Brahms, là. Ah non, du tout. Non, c'est ça. Ah ouais. Ouais. J'ai aussi Tournicoton. C'était Onisa qui faisait le pipeau. Attends, je me rappelle du dessin animé, mais enfin, c'était un film d'animation. Ça, c'était Tournicoti, Tournicoton, c'était Zébulon, la chanson de Zébulon. Alors, ça, c'est la version Led Zeppelin, ça. Le synthé que vous entendez, c'est un Casio. Je vous le dis, comme ça. Oh là là. Et vous savez quoi? Ça me fait penser à Peter-Rick. Peter-Rick? Ouais. Et qu'on parlait plus gourmand, il veut pas manger son merde. C'est un Casio Thème NMX. C'était le premier Casio qui était tong tong tong tong. C'est le son. Eh, mais il y avait le petit train Rébu aussi. Je me souviens pas. Oh, sans les mignons. Ouais. Chapeau. Ah oui, Chapeau. Chapeau. Il y en a plein. Hein. Ah, tout ouais, à l'heure, on parlait de films en noir et blanc. Tu te souviens de Belle et Sébastien? Oui. Ah, oui. En noir et blanc en plus. Avec. Les deux petits vieux du Muppet. Ouais, mais. Ouais. Et... Tu te rappelles? Dans Belle et Sébastien, quelle est l'actrice formidable qui avait 16 ans et qui est à Paris la première fois et qui a été négérie dans les années 80 jusqu'à 95? La mère de Vic dans La Boum. Allez, je vous file des trucs. Non, et qui était avec Pironi. Et qui est après décédé. Allez, je vous dis. Non, alors. Si je vous dis Mantello. Les yeux Mantello. Jeannot. Absolument. Véronique Jeannot avait 16 ans. Elle est pas morte. Voilà, elle est pas morte, Véronique Jeannot. J'ai pas dit qu'elle était morte. Ah, son mari est mort. Non, Pironi, elle était à un moment avec DJ Pironi. Qui est mort. Oui, d'accord. Et tout ça, voilà. Et sachez qu'en 1988, j'étais cordeur tennis et il y a quelqu'un qui me demande de corder sa raquette et je corde sa raquette et je la regardais tout le temps en me disant, elle me dit quelqu'un. J'ai cordé la raquette, il y avait un beau mec avec des trucs en train de parler avec une super nana, ils se sont barrés et j'ai le patron, ça s'appelait Vasy Rudbetunaline, qui vient me voir en disant, c'est quand même impressionnant d'avoir Véronique Jeannot en face de toi. Mais comme tu l'as ça, revu quelques années après. Ah, c'était Véronique Jeannot. Mais tu l'as revu quelques années après, j'ai vu des photos que tu as faites d'elle quelques années après. Dans quoi? De Véronique Jeannot. Comment t'as su ça? Bah parce que je sais. Elle tournait un film sur l'île. Absolument. Ou un feuilleton, je pense. Ouais. Et tu faisais des photos. Et oui, j'ai une belle mémoire. Hein. Je sais pas comment t'as vu ça où. Parce que ça, c'était dans pas ma boule de cristal. Ouais, parce que. Ouais, tu peux dire qu'il faut les deux vopettes. Hein, non, c'est pas ça. Hey, mon chéri, c'est parce que t'es un ami intime, mais pas eux, ils sont pas au courant. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu passer, je sais plus. Ouais, c'est vrai. Elle a fait un tournage, et tout ça. Et comme on a eu l'occasion, on s'est vu. J'ai fait des photos de. Elle est très très agréable. Ah bah j'imagine. C'est une femme exceptionnelle. Ah bah déjà, elle est. Elle est vraiment. Ouais, puis c'est une femme adorable. Elle est vraiment adorable. On ironie ça. Les gars. C'est trop de blabla, tue le blabla. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. Oui, bien sûr. On va retrouver juste derrière la chronique Ciné Rétro 80 de notre ami Sherlock. Petite coupure musicale. Et puis, On va faire une roulette song, tiens, parce que j'avais pas prévu. Pourquoi t'appelles ça une roulette? On fait plus de tournoi parce que c'est des roulettes maintenant. Je fais tourner, tu me dis stop. Ouais, on fait tourner, vas-y. On fait tourner les serviettes. On va faire une roulette. Bah, justement, stop, Sam Brown et stop. Voilà. Ah bien. Allez, on continue. Stop. Queen et The Show Must Go On. Et putain, mais tu vas l'exploser la tablette. Comment tu tapes dessus? Ouais. C'est vrai que je devrais arrêter de taper avec le poing. Ouais. Quand même. Mais pourquoi t'appelles ça une roulette? Moi, j'aimais bien la BC Song. C'était sympa. Bah, je sais, mais. Il y a des prix de quoi? Ouais, ça va un peu plus vite que la BC Song. Ouais, la BC Song. Sherlock, tape avec autre chose, ça risque pas de casser la vitre. Eh ben, on y va. Alors, mon nez. Bon, allez, c'est parti. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away, I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. We'll be right back. empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tu l'attendais celle-là. Absolument. Montons tous dans la DeLorean, serrons nos petites fesses et partons en 1981. C'est la version homme maintenant. Ouais, bon, écoute, ça commence à devenir violent. Ouais, serrons nos petites fesses. C'est comment le prénom de Mélenchon? C'est Jean-Luc. Allez, vas-y, Jean-Luc. Bon, alors oui, effectivement, donc je rappelle le principe de la chronique Ciné Rétro 80. Cette semaine, et notamment c'était dimanche soir, parce que j'ai pas eu le temps avant, j'ai regardé un film des années 80. Bah non, parce que d'habitude. C'était dimanche soir à 20h59. T'as fait quoi, alors que madame. Quoi tu faisais quoi avec madame? Ben, j'ai déménagé, je faisais les cartons en fait. Je faisais les cartons de madame. Je défaisais les cartons. De madame. Et oui. Et pas que. Et donc, oui, effectivement, dimanche soir, j'ai regardé un film. Et pas que, c'était là. Oui. J'ai donc regardé un film des années 80, et notamment le film est sorti le 28 janvier 1981. Un mercredi. C'est ça. Ah, le mercredi 28 janvier 81. Évidemment. Alors, je me doute que ça ne vous dit rien du tout. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quand même fait 1 147 059 entrées au box-office français. Ah oui, c'est pas mal. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Alors, il a eu une récompense. Ah, laquelle ? Un Razzie. Oh ! Je sais pas. Pour l'actrice principale du film. C'est quoi un Razzie ? Un Razzie, c'est un peu comme les Gérard pour la télévision. Ah, donc c'est pas terrible. Ouais, non, voilà, ouais. C'est pas très... Un flop, alors. Et 6 nominations aux Golden Globes, aux Saturn et aux Oscars. D'accord. Ah, quand même. Ouais. Donc c'est un film de science-fiction. Pas du tout. D'accord, bah Saturn, c'est quoi déjà ? Bah Saturn, pardon. C'est Pluton. Non, non, Saturn, c'est... Tu manges un Mars, si, c'est vrai, normalement, c'est pour la science-fiction. Bah oui, les Saturn, c'est ça que je comprends pas, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est pas un film de science-fiction. Non. D'accord, bon, écoute. Ouais, comme quoi il était vraiment nul, il s'est même retrouvé dans un film SF. Bah, ouais, mais écoute... on est un policier, nous. Bah écoute, on dirait que c'est un film bah, de ouais, science-fiction. Bah ouais, c'est bizarre. Bah oui. Allez, vas-y. Chronique. Alors, je vais vous donner des noms d'acteurs. Il y a Chad Timmermans, Bradley Price, Alan Hopgood, Glenn Cohan, Elva Josephson, William Daniels et Leo McKern. Et ça, vous allez me dire. Ça me dit rien. Ouais, c'est vrai. Eh ben, c'est... Je vais vous passer le premier extrait, ça va peut-être vous aider. Alors, donc, Canon me dit ouais, ça me parle. Bah oui, ah oui, c'est un forcément classique, parce que c'est Chopin. C'est Nocturne, hop, 9, ah, numéro 2. Ouais, je pensais ouais, que c'était pas lui. Ouais, mais si, oui, d'accord. Et c'est le main theme, non ? Non, c'est pas le main theme, c'est une musique qu'on entend pendant le film. D'accord. On l'entend à plusieurs reprises dans le film. Et il dort à ce moment-là, non ? Non, non, même pas, ils sont réveillés. Non, non, non. C'est le bruit, en fait, d'une boîte à musique. Ouais, c'est ça, avec d'accord. La petite danse. Voilà, c'est pour ça que j'ai repris, en fait... D'accord. Parce que si je reprenais vraiment le bruit de la boîte à musique dans le film, ça aurait été... Trop facile. Non, on n'aurait pas bien entendu en fait. Donc j'ai retrouvé Rambo parce que j'ai retrouvé la musique. Alors donc je peux vous dire que le film est de Randall Kleiser. Tu peux le dire. Il a dit. C'est notamment celui qui a fait Grease. Oh, yeah. D'accord. Pour les blousons noirs qui sont parmi ah, nous. J'adore. Merci. Ouais, d'accord. Ah oui. Banana. Est-ce qu'on en avait parlé dans les semaines précédentes? Ou chez un moment, je t'ai dit c'est ça, et tu m'as dit non, c'est pas ça, tu pensais à ça. Ça, c'est très radiophonique aussi. Écoute, je ne sais plus. C'est très radiophonique. À tous les auditeurs qui n'auraient pas suivi il y a 3 semaines le ça, c'est pas ça, eh bah, ben, dites-vous que c'est pas ça, mais on n'est pas loin. C'est la nouvelle chronique des chats. Est-ce que c'est un rapport avec une larme ? Avec une larme ? Ouais. Parce que je t'ai donné exactement le même indice la dernière fois, tu m'as dit non, et à quoi tu penses ? Non, à quoi tu penses ? À la même chose que toi, des gros dégueulasses. Non, ça n'a aucun rapport avec une larme. Parce que je t'avais répondu à l'époque. Ouais, ah bah alors écoute, tu me parles de gros dégueulasses, écoute bien cet extrait-là. You ça, raise me up. Ça, c'est vraiment gros dégueulasse. Alors, c'est un extrait du film, ça va peut-être te mettre sur la voie. Écoute. Emeline, retire-moi cette saleté de ta bouche. Allons, ouvre la bouche, ouvre grand et retire-moi ça tout de suite. Gratte-moi ça, vite. Allons, allons, arrête de pleurer, je dis ça pour ton bien. Tu vois, si t'avales ces choses rouges, tu dormiras et te réveilleras jamais. C'est des fruits, jamais plus, tu comprends? Vous saurez qu'il faut pas y toucher, hein. Allez, venez. C'est tiré d'un auteur d'anticipation, très connu. D'anticipation, je ne sais pas. Tu veux dire quoi, d'anticipation? Bah, c'est un peu comme La planète des singes, tu vois. Pierre Boulle, qui a écrit La planète des singes, c'est un roman d'anticipation. C'est un truc qui se passe, voilà. Qui est censé se passer dans le futur. Harry, ouais, d'accord. Jules Verne, par exemple. C'est parce qu'en même temps, on m'envoie des énigmes par internet. Je suis obligé d'y répondre parce que à gagner, c'est une machine à laver et un sèche-linge. Alors, coupe son micro. Quelqu'un qui nous écoute. Non, mais quelqu'un qui nous écoute, justement. Donc, et après, on va me faire la remarque que moi j'utilise. Ouais, mais toi, c'est tout le temps. Alors, non, c'est pas vrai. Non, non, alors effectivement, c'est tiré d'un bouquin. C'est tiré d'un roman de Henry Devers Stackpole. Ah oui, pour Pâques, c'est pas mal, ouais. Ouais, Stackpole au chocolat, ouais. Et elle casse pas des œufs, celle-là, hein. Oh là là. Mon Dieu. Alors, ouais. Moi, je crois que tu devrais développer, d'accord. Ok, bon, alors je vais vous passer le love theme du film. Ouais, qui s'appelle Emmeline, ouais. Du nom de la petite qu'on a entendue. Chez la batterie. Klederman, c'est pas Klederman, c'est Basil Poledouris qui a fait la musique. Alors il faut savoir que Basil Poledouris avait fait la musique de Conan le Barbare, par exemple. D'accord. Ah, c'est... Ça me dit rien du tout. Est-ce que c'est dans la même lignée que Conan le Barbare? Pas du tout. D'accord. Alors, ah non, là, c'est. Tu vois Conan le Barbare, tu changes complètement de registre. D'accord. Okay. Alors, je vais vous passer l'extrait suivant, qui est un extrait sonore du film. Écoutez bien. Emmeline, un bateau! Un bateau ! T'as pas allumé le feu ? Et pourquoi est-ce que tu l'as pas fait, hein ? Pourquoi ? Et tu sais bien que je veux partir. Tu sais bien que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Oh, je sais, oui. Oh, mais vraiment, il y a des fautes, t'es bizarre. Tu cries au secours et tu me chasses, et quand un bateau vient, un bateau, le premier depuis qu'on est là, tu le laisses partir. Ça, alors, tu le laisses partir ? C'est incroyable. J'en ai assez, moi. J'en ai par-dessus la tête de tes caprices, voilà. Je pars sans toi, sans Forisco. C'est un film qui se passe sur une île déserte. Oui. Hein. Ah oui. Ah ouais, mais c'est par déduction. Après, ouais, je vois pas du tout ce que c'est comme film. Mais... Ah, Année 80, 81. Tu dis. 81, ouais. Ouais. Est-ce que c'est le nom d'un cocktail? Oui. Hmm. Ah. En deux mots. Oui. Oui. Oui. Et je vais vous passer donc la musique, le thème général c'est du film. C'est l'histoire des baies qu'il a dans sa bouche depuis tout à l'heure. Ça me quand il dit retire. Et c'est un rapport avec c'est la fameuse bêche. Hein? La fameuse bêche. Ouais. La célèbre béchamel. Ouais. Bah, moi non plus je comprends pas. Bon, est-ce que Mel Gibson joue dedans? Non. Absolument pas. Bon, bah non. Bah, je ah non. Toi tu pensais au Bounty. Je pense les révoltés du Bounty ou un truc comme ça. Non, je vais plutôt à Mars. Par contre, j'aimerais pas avoir la même permanente que l'acteur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je vais voilà. Te passer le thème film. Général du la film. La même permanente que l'acteur. Ouais, ouais. J'aimerais écoute pas. Bien, ça va peut-être te mettre sur la voie. Voilà. Kirkin n'a plus aujourd'hui. Par contre, il y a une scène d'anthologie quand t'étais adolescent, t'avais envie de faire 15 enfants ce jour-là. Ah, mais. Mais tu vas pas dire le nom. Non, mais l'actrice, elle a joué dans. Non, pas grand chose. Non plus. Ah, ça c'était. Non, elle a pas joué dans Les Oiseaux se cachent pour mourir. Ah non. Mais c'est un beau film, hein. Elle s'appelle pas Rachel, le prénom de l'actrice? Non. C'est un beau film qui réveillait tes hormones quand t'étais ado, hein. Mais ça te faisait devenir un homme, hein. Oui, ils sont quasiment à poil tous les deux. Oui. Ah bah oui, oui, évidemment. Dis-moi. Ah, ça y est, il a trouvé. Dis-moi une couleur. Bleu. Oui. Oui. J'ai horreur de ce film. Ah ouais. Dis-toi que je l'ai regardé. Je vais vous donner le pitch du film. Je vais vous donner le pitch du film. Ça n'a rien à voir. Ça avec va peut-être aider Onissa parce que je pense qu'Onissa. Attends, je me permets parce que Canon il parlait d'un cocktail. Bien sûr, c'est connu. C'est le nom d'un cocktail. Bien sûr. Ah bah je vais pas le dire ouais. Mais ouais ouais. Ah je connaissais pas ce cocktail. Moi c'est juste le cocktail parce que le film je connais pas. À base de champagne Curaçao ouais. Et... Alors donc celui qui a une permanente qu'on voudrait pas avoir c'est Christopher Atkins. Oui, alors qui a joué dans quoi lui parce que je ne sais plus. Et on voit pas souvent, hein. Ensuite c'est Brooke Shields. Ah oui. Qui a notamment été marié avec André Agassi. Ah bon ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et qui a été la petite amie de Michael Jackson à un moment. Quand il était oui, très jeune. C'est juste. Quand elle avait 12 ans. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, mais elle était alors, très, donc, très ça très se jeune. Passe durant l'époque victorienne. Un bateau navigue dans le Pacifique Sud à destination de San Francisco quand un incendie force l'équipage à quitter le navire. Deux jeunes enfants, Richard et Emmeline, sont alors séparés de leur père et oncle, partis sur un autre canot de sauvetage. Les deux enfants, accompagnés du cuisinier du navire, dérivent et finissent par trouver une île. Quelque temps après, le cuisinier décède et les enfants sont alors livrés à eux-mêmes et des sentiments apparaissent au fil du temps. Ils sont cousins hein, dans le film. Donc bon, on passe forcément sur le côté incestueux. Ouais, mais ils sont pas cousins germains. Ouais, moi ils sont très germains. Et c'est quand même le père de Richard, c'est l'oncle de d'Emeline hein, dans le film. Donc ah bah alors, c'est pas la même famille. Bah si, par rapport au père. Ouais. Ah, excuse-moi, j'aurais une cousine comme Brookshin, tant pis. Hein. Oui, bah forcément. Mais en même temps. Enfin, à l'époque, puis maintenant. Non, non, mais en même temps, c'est la découverte de l'amour, de la sexualité et tout ça qui se passe dans le film. Ouais. Donc, et puis bon, il faut dire qu'ils atterrissent sur cette île, ils ont à peu près 7-8 ans. Ils en repartent, ils ont 15-16 ans. Hein, mm-hmm. Donc, Ah ouais oui, ah, ils font plus vieux que ça dans le film, quand même. Il faut savoir que Brooke Shields avait 14 ans à l'époque. Mais elle avait tout ce qu'il fallait, où il fallait. Ouais. Ouais. Par contre, vous savez, dans Wikipédia, je suis en train de regarder ce qu'il a fait en filmographie. En général, t'as tout ce qu'il a fait qui reste en rouge, il n'y a pas de lien. Et en bleu, ce qu'il y a des liens. Donc il a tourné plus de 45 films, dont aucun qu'on connaît. Ils sont tous en rouge, il n'y a aucun lien. Ah ouais. Donc il a tourné dans, on parle bien de William Christopher Atkins, voilà, qui a joué, ça a été son seul rôle. Ah c'est ça, il a pris un coup de vieux, mais c'est un beau petit coup. Bah il a pu sa permanence. Donc sachez qu'il a joué dans plein de films, mais vous n'en connaissez aucun. Et donc on peut donner le titre maintenant, je pense. Oui, bah, allez-y. Le lagon bleu. The Blue Lagoon, c'est ça. Ouais, voilà. Le lagon bleu. Rien que pour le cocktail, parce que le film, je ne le connais pas. C'est vrai? Ah ouais. Alors, je vais vous donner la recette après, vas-y. Continuez. Vas-y. Ce sera peut-être plus intéressant que le synopsis. Alors, donc, en 1982, le film Paradis avec Phoebe Cates et Willie Ames présente une histoire similaire au lagon bleu. Parce qu'il y a eu pas mal de parodies et de. On va dire de. De redite un petit peu du film. Il n'y en a pas eu un numéro 2 ? Si. Ah, je alors pense, je vais y revenir. Il y a eu le retour au lagon bleu. Ouais. Donc, ça présentait le film avec Phoebe Cates et Williams. Présente une histoire similaire au lagon bleu. Cette fois, les deux enfants voyagent avec une caravane entre Bagdad et Damas lorsque des brigands les attaquent. La jeune fille est menée de force dans un harem d'où elle s'échappe et les deux enfants vivent une aventure idyllique dans une oasis. Donc ils reprennent en fait le truc et ils en ont fait une sorte de parodie ou de film qu'ils ont transposé autre part. Non, ouais. Le lagon bleu est largement parodié dans le film Top Secret en 84 des Az. Zucker, Abrams, Zemeckis. Absolument, avec Val Kilmer. Avec le personnage de Nigel, qui est joué par Christopher Villiers, donc un homme blond aux cheveux bouclés, comme Christopher Atkins dans le film, qui retrouve Hilary, donc qui est joué par Lucy Guthridge, après l'avoir connue plusieurs années auparavant sur une île déserte. Le film est également parodié dans Going Berserk en 83, lors d'une scène où le héros décrit à un psychiatre son rêve récurrent, et donc il parle d'une île déserte. Alors, bien que cette adaptation ait connu une suite intitulée The Garden of God, par le même auteur, donc en livre. God. Le gardien des Lords. Le jardin de Dieu. Ah, d'accord. The Garden of God, c'est le gardien des gods. God sans eux. Donc, par le même auteur, publié en 1923, donc quand même, ça date, le bouquin. La même production du précédent. Columbia Pictures en a fait un retour au lagon bleu, donc Return to the Blue Lagoon, sous la direction de William A. Graham en 91 avec Mila Jovovich et Brian Crowe. Ah, bon, ça va tout de suite mieux. Alors Brian Crowe, c'est pour ceux qui ont suivi la série Charmed, c'était Léo Lange. Mmh. Ah oui. Alors il est également Michel Lange, mais non, Jessica Lange. Il est également produit par Randall Kleiser. Les téléfilms Les Naufragés du Lagon Bleu, Blue Lagoon de Awakening, sorti en 2012 aux États-Unis, qui est passé hier sur TF1, je ne le savais pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça m'a rappelé quelque chose. Oui, voilà. Donc reprend la thématique de l'œuvre originale en l'adaptant aux réalités contemporaines, où là, en fait, c'est deux ados qui sont dans une sorte de sortie scolaire dans les îles des Bahamas ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et la fille tombe à l'eau. L'autre c'est pas Bali à l'autre. Passe-moi, passe-moi, c'est la fille qui tombe à l'eau. Et donc l'autre plonge, plonge pour aller la récupérer. Ils prennent un canot, ils se retrouvent à la dérive sur une île déserte. Voilà. D'accord. C'est beau. Donc c'est la même thématique à peu près. Ouais. Brooke Shields donc était âgée de 14 ans lors du tournage et elle fut remplacée par une doublure pour les nombreuses scènes où elle est censée apparaître nue. Ah. Contrairement à son précédent film, La Petite. Donc, qui s'appelait en anglais Pretty Baby. De son côté, son partenaire Christopher Atkins apparaît lui-même dans ses scènes de nudité. Donc tout ce qui est le zaï-zaï, on le voit, c'est le sien. Ah d'accord. T'as pas des photos ? Il y a eu un certificat et tout. Et donc le tournage a eu lieu en Jamaïque sur une île, en Jamaïque et sur une île privée des Fidji. Et tandis que les scènes du lagon bleu furent tournées au Vanuatu. Des iguanes dociles furent même peints pour les rendre plus éclatants à l'écran. Ah, la vache, c'est malheureux. Ouais. Et il a d'ailleurs été affirmé que les iguanes filmées au Fidji étaient d'une espèce alors inconnue des biologistes. J'ai lu un petit peu le truc, c'est que il y a un biologiste qui a affirmé que cette espèce n'était pas répertoriée. Il s'est avéré plus tard que lui connaissait déjà l'existence de ces iguanes parce que il les avait déjà vus, mais il en a eu la preuve aussi par rapport au film. Oui, puisqu'il faut dire, il était ami avec eux depuis un bon moment, il avait sympathisé. Non, mais il était pour la fin du film, ils avaient été bien traités, bien payés aussi. Oui, c'est ça. Mais il était déjà allé au Fidji, en fait, il avait déjà découvert ses iguanes, mais il n'avait pas pu prendre de photos. Par rapport au film, en fait, il s'est rendu compte que les iguanes étaient bien d'une nouvelle espèce, et donc il a pu les répertorier. Donc c'est lui qui les a découverts, en fait. Oui. Ok. Eh ben écoute, merci. Vous avez vu alors le lagon bleu. Alors évidemment, Canon, tu l'as vu. Oui, absolument. Flip 4. Oui. C'est vrai. Oui. Onissa. Non. Moi non plus, mais je me rappelle très bien de l'affiche. Mais. Ah, t'as dit tu détestais ce film. Tu es sûr de parler du même. Ouais, bien sûr. Bah t'as dit je déteste. Tu dis que tu l'as pas vu. Bah alors tu dis je déteste. Bah oui. Tu l'as dit tantôt. Bah oui. Bah je déteste comment le film. Comment tu peux détester ce film si tu ne l'as pas vu? Ben parce que je sais que je déteste le film que je n'ai pas vu. Par contre, je sais pas toi, Canon, moi il m'a pas laissé un souvenir impérissable ce film. Non, parce que quand je voyais Bruce Field et l'autre avec sa permanente, si j'avais été à sa place, je peux dire que c'est pas les cocotiers que j'aurais secoué. Je vous rappelle d'ailleurs quand même le film, c'est qu'elle tombe enceinte et ils ont un enfant. Oui. Bah on en parle pas. Ah ouais. Ils ont un enfant, c'est-à-dire que c'est tout le. C'est en fait le film aussi, c'est que ces deux gamins qui sont complètement adolescents, la découverte de la sexualité, mais après en fait l'amour, tout ça, ok, c'est un peu soft, mais après elle est maman et donc t'as tout ce gars qui devient homme aussi derrière, et il commence la dispute parce que dès qu'une nana, tu sais bien qu'au départ c'est avec les portes jartelles et tout, dès qu'elle a un gosse sur une île déserte, c'est un peu compliqué, il y a plus que son gosse, et puis voilà, donc la jalousie masculine. Par contre, si tu prends deux louches de jus de citron, que tu prends deux louches de curaçao bleu, que tu prends deux louches de jus d'orange, donc deux. J'ai dit quoi, Anissa ? Deux louches de jus de citron, de jus d'orange, de curaçao bleu, une louche de sucre de canne liquide et deux bouteilles de champagne. Tu invites Anissa, Harry, Sherlock, Flip. Ah ouais, j'ai eu peur, je croyais que c'était pour un verre. Non. Deux louches de citron, pas du tout. Pas du tout. Un verre d'animateur. Une pinte, quoi, clairement, 2 litres. Deux bouteilles de champagne dans un verre, t'es fortiche. Et bien sûr, c'est important de le dire, c'est dans notre charte à consommer avec modération. Ouais, bon. Et surtout, jamais. Tu l'as déjà vu, toi, modération ? Non, moi non plus. Non, ouais. Par contre, c'est un super bon cocktail, ça. Ouais, c'est très très bon. C'est léger, c'est fait pour les enivrer, et puis qu'après elles finissent comme Brooke Shield en sat. Voilà. Non, bah, écoute, c'est mieux. Merci à toi, Sherlock. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. Oui. Comme toi tu veux, enfin tu choisis, sens, hein. Comme tu le sens, voilà. Non, peut-être pas comme tu le sens, mais de la bonne musique. Et puis on se retrouve juste après parce que Canon a aussi une belle petite actualité. Il va nous parler de plein de bonnes choses. Ah oui. Passé et à venir. Ouais. Ouais, c'est pas bah, sûr. Si, allez. Les formants avec Flip Flap. Ouais. Bon, je vois le bar. Je me suis arrêté dessus. Là, désolé. Ah non, là, ça a coup monté. Ça devrait lui mettre une note. C'est un moment où il se c'est maintenant. Un petit Jesse Garon avec ses lundis. C'est là. Ah, c'est là. Et là, vous voulez que je démissionne. Tribute to Flip 4. Eh ben, vous savez quoi? Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Allez, c'est parti. Je démissionne. Allez, c'est parti. Bande d'enfoirés. Pied. venez maintenant avant se rejoindre devant. C'est étonnant quand tout le monde y arrive. Je suis super content de voir que les copains s'éclatent en dansant tous avec moi. Ça veut dire adopter le même pas. C'est le flip-flap, le flip-flap. Pour te laisser mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip-flap, c'est facile. Flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flip-flap. Les toilettes, c'est tu tournes à droite le long du couloir. Et tu peux y aller, t'inquiète, on va prendre ta place. Hein, tant que tu te soulages un peu. Qui a pris autant son pied que toi. Ah bah oui. Ah bah alors là, même pas. Il dansait sur la table dans le studio. On t'a vu. Il y en a qui vont me croire. Alors, dis donc les gars là. Oui. On a tous de l'actualité, évidemment. Mais alors, notre actualité n'est pas très enrichissante, puisqu'on fait quoi ? On traîne des bars, on traîne des soirées. Eh, parlez pour vous. Hein. Ouais, on traîne des bars, tout type de bars. On le reconnaît. Mais par contre, il y en a aussi qui font du spectacle et qui se produisent, puisque notre ami Canon, quand même, s'est produit ce week-end. Et le week-end d'avant, et le week-end encore avant, et puis le week-end encore avant. Enfin, il s'est reproduit. Ouais. Mais parle-nous quand même de Miss Moucron déjà, puisque effectivement, tu as fait partie donc de Miss Moucron. Absolument, ouais. Ouais, donc ça s'est très bien passé. 434 personnes, des Miss qui étaient ravies. Un très très beau spectacle, très sincèrement. Donc c'était, je vous annonce pas officiellement, on en avait parlé comme ça, mais c'est Christopher Renard, que vous connaissez tous, qui va reprendre avec sa femme Fiona le flambeau. C'est Fiona et Shrek. Voilà, ça, absolument. Ouais, donc à la place de Marianne Arduin et Philippe Arduin, qui ont porté le projet depuis 37 ans qui portent Miss Moucron. Donc j'ai eu le plaisir voilà, de chanter sur scène une dernière fois avec eux, avec tout le spectacle d'Amy. C'est surtout une très très belle intervention. Ça m'a touché parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est qu'on m'avait demandé de chanter en fait la quête de Brel, ouais. qui est une chanson qui n'est pas dans ma tonalité, tout ça, mais qui est très très puissante en fait. Je ne l'avais jamais vraiment écoutée. Et Marianne a fondu en larmes. Enfin, c'était un grand moment où c'est rare, je suis touché par l'émotion. Ouais. Bon, je suis quand même de la scène depuis un bout de temps. Mais là, c'était chargé en émotions. Ouais, ça m'a. Ouais, j'avais un moment là, j'étais un peu chaud patate à la fin. Ça serait bien passé, mais on n'a pas pu. Ouais, mais c'était vrai. C'était très bon. Hein. Ouais. C'était plutôt sympa. Le spectacle Notre Drame de Paris, c'était une tuerie. Ils m'ont scotché. Parce qu'on va pas être consensuel. Moi, j'ai toujours dit, je suis sans concession. C'est des spectacles qui sont faits le mieux possible et tout ça, mais les filles ont pas le temps de répéter. C'est pas des professionnels. Donc, en général, les gens qui viennent voir la famille et tout ça, t'assistes à un spectacle qui est sympa, mais on peut pas dire professionnel. C'est pas que c'était professionnel. C'était vraiment très, très réussi, très investi. J'ai vu Thriller 50 fois interprété par des comédiennes qui font semblant de refaire la danse de Michael Jackson. Là, c'était hyper crédible. Les nanas étaient en blanc, machin, refaire la chorégraphie. J'avais pas vu leur choré parce que j'ai travaillé sur certaines choses. Mimsy au passage, c'est elle qui fait les chorégraphies. Oui, alors Mimsy et Christopher Renard, oui, bien sûr. Et Mimsy aussi. Ancienne Miss, c'est pas ancienne par péjoratif, mais voilà. Et donc ça s'est super bien passé. Donc rendez-vous l'année prochaine, puisque voilà, j'ai des projets aussi avec Christopher, je l'ai vu récemment. Et je vais les recevoir au Singing Studio en tant qu'invité. Et voilà, et avec Hercule. Et donc, aussi, disons-le, que donc Miss Boucron 2017, Nadia Chéri, elle porte bien son nom. Voilà. Ah, ouais. Ouais. Et donc on ne désespère pas de la recevoir quand même dans le studio pour qu'elle nous parle de toute façon, aventure. J'en ai parlé. Elle va revenir avec ses deux dauphines. Elle va revenir avec ses deux dauphines et puis voilà. De bonne foi, comme je faisais partie des jurys, elle mérite son titre parce que on entend sans arrêt, j'en profite, des gens dire oui mais les concours de Miss et tout ça. Bah sachez qu'on était 16 jurys, on a vraiment voté à chaque fois sur la prestation, la façon dont ils parlent et la façon dont ils ont fait leur prestation scénique et tout ça. Et en fait, on n'a pas les votes des autres. Donc on en parle entre nous en disant bah celle-là est pas mal, évidemment, il y en a deux trois qui se détachent, mais on sait pas qui sera élu. Et à la fin, on met 15 points à la première, 13 à la seconde et tout ça, mais on est 16. Donc Nadia et ses dauphines sont vraiment sorties honnêtement du lot par rapport bien aux sûr, autres qui bien m'écouteraient sûr, de bien dire sûr. Bah elles sont pas pour autant moins bonnes, mais je veux dire il y a aucune concession là-dessus. Félicitations à Nadia et à ses deux dauphines. Je l'ai vu récemment, donc merci donc Alicia Vermersch qui est la première dauphine et Chloé Leliette la seconde dauphine. Non pardon, Chloé Leliette la première dauphine. C'est pas très important, de toute façon elles s'entendent très bien entre elles. Je les ai vues au comité du petit court très récemment pour les fêtes de Pâques. Ça change pas grand chose, hein, première ça ou change deuxième pas dauphine, elles sont vraiment, et elles ont déjà une équipe très soudée. Un beau trio, j'ai vu les trois nanas là, elles sont de la même façon que les trois dernières Miss étaient, c'est bien, elles forment déjà une équipe, elles sont vraiment solidaires, elles sont pas ni, c'est des filles adorables, voilà, ça va bien se passer. Eh ben écoute, super. Longue vie donc à Nadia Chéri. Continuons, tu as dit donc ce week-end tu nous as fait le crooner, yeah, oui, au Touareg. Ouais, je chantais. Alors c'est à Étampus ou à Trelo, j'en perds un peu. Alors c'est Waterloo, c'est juste à côté de la rue du Gauquier, donc c'est un restaurant qui avait parié de se faire un spectacle, et je lui ai dit, écoute, je vais faire des chansons sentimentales parmi les 40 plus belles chansons réputées au monde comme sentimentales. Est-ce que tu as fait ça. You Raise Me Up. J'ai fait You Raise Me Up. j'ai pensé en plus à toi à ce moment parce que, et tu l'entends sur la vidéo, à un moment je suis filmé, et il y en a un qui devrait être là mais il n'est pas là, et c'est You Raise Me Up. Ouais, je l'ai mis sur. Mais ma soeur l'a entendu, hein, elle est deux maisons à côté, elle dit tiens, ouais. You Raise Me Up. Donc sympathiquement, j'en ai quand même chanté 39 autres. Et donc voilà, non, ça s'est bien passé, et puis le prochain rendez-vous, ça sera aussi, enfin il y en a d'autres, il y aura Miss Waterloo, il y aura... Oui, alors là on a le temps d'en parler, hein, parce que ça passe au mois de novembre, donc voilà. J'espère que tu vas te faire une scène avant. Je suis sur un projet avec un monsieur que vous connaissez bien, qui chante aussi très très bien, de peut-être faire un staquet, et de se le faire tout seul à deux. Ah, donc c'est pas tout seul à deux, en duo alors. Avec un Fabrizio. Ah, ok. Se le faire à deux tout seul et remplir 400 personnes en se disant bon. Mais Fabrizio, il va dénoter à côté de toi. Pardon, il chante beaucoup mieux. Comment il est pas beau à côté de toi. Il chante beaucoup mieux. Et Fabrizio qui fait un album là, je crois. Là, de toute façon, il est occupé. Et puis, c'est pas une bombe que je lâche parce qu'il est au courant d'en avoir parlé. Maintenant, ça se rend compte. Il en parle sur Facebook. Ouais, il fait un album. Voilà. Bah oui. Donc, je parlais du projet. On en a parlé. C'est un truc qu'on fera certainement et qu'on va vraiment faire. Et puis maintenant, bon, que ça soit les dates maintenant ou en septembre et tout ça. Mais autrement, oui, j'ai beaucoup de choses. Et bientôt, prochainement, les Miss Aluin aussi, où je vous en parlerai. Bien sûr, tu vas nous en parler. Et qui viendront. Alors, dans l'actualité aussi, effectivement, bon, je vous en parle maintenant parce que ça se passe la semaine prochaine, vous n'êtes pas au courant, mais tant pis pour vous. Surprise! On va recevoir un photographe, ça va te faire plaisir, Canon. Un très très bon photographe, à mon avis, que tu connais, tu as déjà dû croiser. Donc, c'est Jean-Philippe Huguet. Alors, Jean-Philippe Huguet est photographe. Alors, effectivement, il fait de la photographie à la fois du modèle ou ce genre de choses. Mais sa particularité aussi, c'est qu'il photographe des événements type. Il va aller jusque à la jungle à Calais pour aller faire des photos durant les émeutes, tout ce genre. Voilà. Donc, c'est. On va dire que c'est du. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais photographe d'événements, de terrain. Voilà, il va prendre sur le vif. Voilà. Les gens ne posent pas forcément, c'est pas du spectacle. Oui, tout à fait. Et donc, pour l'occasion, il organise une exposition qui aura lieu donc à Waterloo. Il vous en parlera mieux que moi et il sera avec nous donc la semaine prochaine. Ah, génial. Il fait partie donc d'une association dont j'ai oublié le nom et je suis désolé pour Jean-Philippe s'il nous écoute. Une association qui vise justement à aider les plus démunis grâce à ses photos. Donc voilà, donc il nous en parlera dans le détail. C'est Jean-Philippe comment tu me dis ? Alors Huguet. C'est Jean-Philippe Huguet. Donc H-U-G-U-E-T, donc vous pouvez le retrouver sur Facebook, bien évidemment, et vous verrez donc ses clichés. Donc il nous a demandé tout simplement, il m'a dit écoute moi j'aimerais vraiment venir vous voir, il couvre beaucoup d'événements sur la région et pas seulement des spectacles, pas seulement des c'est du concret quand même, il est plus sur le terrain, j'ai même envie de dire un reporter de terrain, il a des photos vraiment assez impressionnantes, donc si vous le connaissez pas encore c'est Jean-Philippe Huguet, donc H-U-G-U-E-T, c'est lui qui avait couvert l'événement de Robert De Niro quand il était venu à Roubaix. Il a des photos où il a eu l'occasion d'avoir un pass et d'être proche de Robert De Niro et faire des photos. Alors il vous en parle aussi également de sa rencontre avec Robert De Niro. Et donc il nous fera le plaisir d'être avec nous donc mardi prochain, aux alentours de 20h. Et il nous parlera de son expérience. Et Dieu sait qu'il a une belle expérience. Donc c'est à noter sur vos tablettes mardi prochain. Et quand on n'a pas tablette, on le note sur papier. Vous êtes ici le vieux là. Arrête, Philippe Caton, dirais-moi. Me sens moi seul. Philippe Caton, il a encore, c'est chez lui, des polycopies avec de l'encre là, en bleu. Là. J'aimais bien. En bleu, là, j'ai adoré. J'en ai parlé parce que il y a quelques temps, on était retourné à notre collège avec Harry. C'est vrai, et j'adorais ce truc-là. Vous étiez au collège ? Ouais, alors, justement, parlons-en très rapidement, mais c'était quand même un choc. Peut-être moins pour Sherlock qui y va régulièrement, mais ça l'a été pour moi, puisqu'effectivement, ça faisait une trentaine d'années que je n'avais pas vu certains profs. Et c'est vrai, si vous avez l'occasion de le faire, de retourner dans votre collège quand vous étiez plus jeune, c'est extra, parce que vous revenez, Qu'est-ce que les profs ont vieilli Non, pas forcément, c'est plutôt étonnant, mais il y a eu des profs, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? 28 ans. Ça leur remet un coup de vieux quand même. Un coup de vieux, mais non, ils n'ont pas changé. Ouais. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être parce qu'il y aura une exposition ici qui aura lieu dans ce collège qui est sur M, le collège Saint-Paul. Alors, je ne sais pas si c'est une exposition publique, je pense que si, peut-être. Voir, mais voilà. Je t'interromps un moment pour rebondir par rapport à ce que tu as dit par rapport à la différence d'âge, même s'il n'est pas énorme entre nous deux. Très franchement, je suis plus content et Canon aussi, on est plus proche au niveau. Very happy! You're very happy, yeah. D'avoir vécu ce qu'on a vécu nous par rapport à toi déjà. Ah oui, non mais complètement. Rien que les années 80, je pense qu'on a vécu le meilleur. On a pu en profiter. D'avoir vu naître. Mais quand ta mère m'a présenté et je t'ai dit non, j'en veux pas. Ah ouais. Bande de cons. Canon vient me passer une petite info là qui est importante puisque je vais revenir sur Jean-Philippe Huguet qu'on va recevoir donc la semaine prochaine. Effectivement, tu as raison. Donc l'association s'intitule Solidar Solidart Up. Hop. Donc c'est un projet donc joli qui nom. qui met donc la lumière sur ceux qui n'ont plus rien. Ah. Voilà, donc mais il vous en parlera plus dans le détail puisque là j'ai l'article sous les yeux. C'est une association à but non lucratif bien évidemment, et il se sert de la photo justement pour sensibiliser les gens sur la misère des autres. Et donc c'est bien. Il vous en parlera. Bien, franchement, c'est neutre. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer en musique. Oui. Par contre, oui, vas-y. Malheureusement, vous l'accueillerez sans moi la semaine prochaine parce que je fais le shooting de Miss Aluin que je vais vous présenter après. Eh ben, écoute, tu sais parce que vous allez vous dire que les mardis je le fais exprès, mais en ce moment, je l'avais dit à tous les auditeurs parce que j'ai quand même un public, il me reste un ou deux fidèles qui me demandent parfois, mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai jamais vu ça, ça tombe très souvent des mardis. Ça peut paraître, ça tombe bien. Bah non, ça tombe mal, c'est que j'ai jamais vu ça. En général, c'est le vendredi, les samedis et tout ça. Là, j'ai mis salut un le mardi. J'ai eu un comité récemment. J'ai pas eu un truc. Non, c'est pas ça. Mais je vous le dis, je serai pas là mardi parce que c'est le 25, c'est ça. Ouais. Alors tu iras dans le bureau de Rico pour faire un bon de sortie, s'il te plaît. Oui, pas de problème. D'accord. Voilà. Il m'a jamais signé mon bon d'entrée, hein. Voilà. Ouais, déjà. Bah il y a une raison. Donc, moi, tu sais, c'est comme et quand j'arrive dans un zoo, je prends deux tickets. Un pour rentrer et un pour sortir. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, en situation irrégulière. Là. Ah, toujours, je suis un migrant. Bon, donc voilà. Bah, écoute, vas-y avec ta roulette. Là, j'ai prévu. La roulette russe. Ah, t'as prévu. Là, j'ai prévu, ouais, avec deux musiques de films. Alors, avec Kenny Loggins et Footloose. Oui. Ah, ouais. Yeah, et ensuite, on reste un peu dans le même tempo avec Michael Zambello et Maniac. Ah, bien. Allez, vas-y. Allez. We'll be right back. J'adore, c'est le titre. Bah, si tu pourrais me redonner le titre. When the going gets tough, the tough get going. Ah, ça me rappelle toujours Nono quand une fois il a sorti le vinyle. Alors, il a dit jamais plus je ressortirai. On avait, il y avait une petite polémique quant à traduire ce que voulait dire le titre. Oui, oui, justement, ouais. Et vous vous souvenez ce que ça voulait dire? Alors, c'était quand les choses deviennent dures. Quand les choses se corsent, pardon, ouais. Les durs s'en mêlent. C'est ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, bah, c'est terrible. Ouais. Donc, et c'était aussi la musique d'un film. Sur RQC. Non, ouais, c'était la minute culturelle. Ça allait dire, et quand les choses deviennent dures, les femmes aussi. Donc, ça, c'était également la musique d'un film. Oui, bah évidemment, à la poursuite du diamant vert. C'est ça. Et oui. Ah, Michael Douglas et Kathleen Turner. Il y a eu d'ailleurs un deuxième. Oui, le diamant du Nil. Absolument. Je pensais. Oui. Bah, je t'en prie, continue. Non, mais c'est tout. Non, je n'en ferai rien. Non, mais vas-y, je t'en prie. Coupé, pardon. Bon, alors, quand vous voulez pas parler, moi, je vais le dire. Si vous voulez vous marrer un petit peu, allez sur YouTube et tapez Footloose Musicless. Et là, vous allez voir la première vidéo. Et c'est Fandar, en fait. Hein, c'est Kevin Bacon, donc qui joue dans le film Footloose. Ils ont repris la scène où on le voit danser dans l'usine, là, désaffecté. Sauf qu'il n'y a plus la musique. Ils ont mis une musique de merde, on dirait un truc de musette qu'il écoute dans sa voiture. Et après, ils ont mis que les bruitages. Mais c'est complètement con. Et ça fait marrer tout le monde. Ben oui, je trouve ça excellent. Ils ont fait la même chose pour Dirty Dancing et pour d'autres films. Notamment, je crois que c'est Blue Suede Shoes avec Elvis. Oh yeah. Et c'est des trucs à regarder parce que c'est super marrant. Mais d'ailleurs, Kevin Bacon, dans cette version-là, était pas très content. Oui. On le voit d'ailleurs, ouais. Il fait une tête de lard. Footloose, c'était le seul film qui était interdit dans les pays musulmans, hein, à Kevin Bacon. Mais attention, il n'y a pas que des jambons à la tête de la. Ouais, tu sais, avec tes jeux de mollets, ça rend les gens bêtes. Et quand il a lu ce qu'on écrit sur lui, il faisait du pâté de bois. Hein, ouais. Et on se ferait dans les grosses têtes. Ah, c'est ça. Ouais, c'est bon, mais en moins bien. En moins bon. Et bah, tiens, dis donc, on parlait de culture. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, je sais que vous allez aimer. Donne-nous des indices aussi avec au moins le début du nom. Parce de toute façon, si vous avez fait un peu de latin, à mon avis. J'ai pas fait de latin. Moi non plus. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Avaler sa langue, c'est cunnilingus, non? Bon, allez, je voulais vous parler tout simplement. Cunnilingus, éventuellement. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens collectionnent plein de choses, tout et n'importe quoi. Toi, c'est les femmes. Oui, ben voilà. Moi, c'est les emmerdes. Chacun son truc. Alors, ah, ben t'en as qu'une. Peut-être. C'est normal. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, mais celui qui collectionne les femmes, peut-être, ce serait peut-être le. Ah, salaud. Non, mais le. Alors, si on prend les origines latines, ce serait peut-être génophile, par exemple. Hein, ou gynophile. Gynophile. Ouais, celui qui collectionne les femmes, bah oui. Hein, Et gynécologique, alors c'est les champignons. c'est l'étude des femmes. Oui. Androgyne, homme, femme. Oui, mais androgyne, ça veut dire femme. Oui, andros, oui. Et gyne, ça veut dire femme. Oui, oui, oui. À vérifier. Voilà, vérifier. Non, alors si je vous dis par exemple, ça vous le savez quand même. Vas-y. Allez, le collectionneur de champignons. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Justement, tu n'étais pas très loin, Canon. La ch'touille. un militaire. Non, mais je vous demande le terme. Comment appelle-t-on un collectionneur de champignons? Vous savez, quand vous attrapez un champignon, vous avez une... Une mycose. Et ouais. Un mycophile. Et voilà, c'est ce qu'on appelle de la mycophilie. Il y en a, dès que c'est dans leur sujet. Arrête de te gratter ça, tu t'accotes. Justement, c'est pour toi, Onissa. Comment appelle-t-on un collectionneur, ou collectionneuse, bien sûr, de nains de jardin? Mimimati. Blanche-Neige. Ah non, c'est un super bon nom en plus. Blanche-Neige ne se tape pas les nains dans le dessin animé. François Hollande. Bah, si vous recherchez un peu nain, l'origine du mot nain. Nanisme. Ah, on n'est pas loin, donc voilà. Donc, nanophile. Ah, oh. Non, ça c'est celui qui aime les nains. C'est pas pareil. Celui qui les collectionne. Un nano-jardinophile. Hein? Un nano-jardinophile. Lui, c'est Star Wars. Phil, c'est aimé. Tout ce qui finit par phobe. Phil, c'est aimé. Ouais. Phobe. La phobe, c'est celui qui aime pas, qui a peur. Mais ouais. Celui qui collectionne. Nit, alors. Dom. Collectionnite. Nano-dom. Nanophile. La nanomanie. Ah, à ne pas confondre avec la mammographie. Hein. Ouais. Alors attention, ça existe. Et là, bon courage. Ouais. Les collectionneurs de Kinder. Ah, oh, Sherlock. Les Kinder. Ouais, c'est moi, c'est Boulamis. Les Kinderophiles. Sherlock Phil. Alors un œuf. Les, bah, Ovo. Edge. Ovo. Ouais, ouais, ouais, qui ouais. A dit Ovo. Moi, bon, Ovo. Très bien. Ah, oui, on Allez, on continue. Œuf Kinder. Ovo Kinder. Voilà, à Kinder Surprise. Oh merde. Surprise. Ovo alors, Kinder vas-y. Surprise. Ovo Kinder. Ovophile. Surprisophile. Eh oui, un nouveau Kinder Surprisophile. Wow. Un collectionneur de Kinder. N'importe alors, quoi. Ça, c'est le truc que tu vas replacer tous les jours dans la conversation. Ouais. Oh, toi, tu es un nouveau Kinder. Bah, bref. Ah, attends, oh, celui-là. Pour Onissa. Celui qui collectionne les éléphants. Salopard. Des éléphants. c'est un riche. Onissa. Comment on appelle un éléphant, hein? Pachyderme. Pachyderme, mais bah allons-y. Pachydermophile. Eh bah absolument. Pachydermiste, c'est celui qui les empêche. Et là, pas confondre avec un taxidermiste. Alors attention, celle-là, elle est pour Canon et il a intérêt d'y répondre. Collectionneur d'appareils photographiques. Il avait dit tout à l'heure, un photographe. Un photographe. Non, c'est celui qui a des photos, qui a des appareils photo. Alors, qui collectionne, je sais même pas. Alors, attends, c'est en latin. C'est très simple. Hein. La racine est latine. Ouais. Quand on voit un document, ouais. Une photo, on appelle ça un document. C'est un folio ou non, c'est facile, j'ai la réponse. Un folio. Le malin, mais c'est un pellicule. C'est pour ça. On appelle ça un document iconographique. Ah, en icon. Ah oui. Alors donc, collectionneur d'appareils photographiques. Bah oui, c'est facile, j'ai la réponse. Un iconoclaste. Mais pas du tout. un photo icono. Mais non, c'est iconomécanophile. Iconomécanophile. Iconora, j'ai pour soi. Harry, je te confirme, quand t'as la réponse, c'est facile. Ah oui, bien sûr, bah oui, c'est facile. Quoi qu'il y en a certains que j'aurais trouvé, ouais. Hein, par exemple, un casse-tête. Collectionneur de casse-tête. Un casse-couille. C'est un rapport avec le cerveau. Céphalo, c'est très bon. En latin, céphalo et casse-tête. Ouais, céphalo capillotractophile. Alors c'est céphaloclastophile. Ah, c'était pas loin. Celui qui se tire par les cheveux, c'est capillotracté. Voilà, céphaloclastophile. Qui est rentré d'ailleurs dans le dictionnaire. C'est vrai? Ouais. Alors, pour Flipkat, oui. Collectionneur de cloches. Putain, je croyais que ça allait être les étiquettes de Bouddha. Et il m'en veut. J'ai remarqué depuis que ça fait deux émissions. Mais non, pas du tout. Si, pas du tout, t'étais pas là la semaine passée. Alors écoute, cloche en latin. Cloche en latin, bah ouais, bah oui, on l'utilise. Et ça vient, et je suis sûr que la racine est la même, ça vient de campagne. Campanile. Bah, ça vient de campanile aussi. Non, parce que c'est le con comme réponse. Bah non, mais le campanile, oui. En fait, c'est la petite cloche qui est au-dessus des fermettes. Oui, il y a une oui, raison. Oui. Et donc, alors si tu fais une petite recherche, si tu fais actionner ton céphalo... Et t'as pas la réponse. Un campanulophile. Et un campanophile. Un campanophile. La seule petite cloche que je connais, c'est dans les pubs, moi. Quand elle sonne, il faut aller vite fait au bar. Ouais, c'est le... Oui. Ah, pour le happy hour. Oh, bah, ah, bah, à Moucron aussi, tu sais. Alors attention, celui-là, ce sera le dernier pour le plaisir. Il y en a d'autres, et si vous voulez, je vous en sortirai d'autres, ah, évidemment. Ouais, comme bien. Dirait Herbert. La collection de bouteilles miniatures. Alors, bouteilles miniatures d'alcool. Parce qu'entre nous, les bouteilles miniatures non alcoolisées, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah si, il y a les bouteilles de parfum. Un mignonnetophile. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Eh ben, écoute, je crois que ça, c'est pas faux. C'est pas con. C'est pas faux. C'est aussi un autre terme, si je ne dis pas de bêtises. Ceux qui aiment les chiens, c'est un truc à la con. C'est complètement faux. Un flascophile ? Non. Alors, tu vas pas préciser les colominitophiles ? Bah, tu sais, c'est les petites bouteilles vides ou mignonnettes. Les mignonnettes. Bah, les mignonnettes. Ouais. Donc, bah, en général, les collectionneurs les collectionnent pleines. Miniétolcoléphilophiles. Ah, mais c'est plus simple que ça. Ce sont les buticulamicrophiles microphilistes. Mais bien sûr, bah oui. Bah oui, c'est vous le saviez. Beaucoup plus facile. La dernière fois que j'ai fait un traitement pour mes champignons, c'est le nom qui m'a aidé. Allez, on va faire au pif. Onissa, donne-moi une lettre. B. Alors, le B, on va chercher un dans les B, dans les B, dans les B, dans les B. B comme J'ai pas de B, alors j'ai pas pris les B avec. à partir de C. D. Allez, à partir de D, on va trouver quelque chose de comique. Évidemment, j'ai pas pris les D avec. Oh. Si, j'ai D, j'en ai qu'un seul. Ah, ben voilà. J'espère que c'est collectionneur de plaques photographiques en cuivre. Attends. Wow. Vous savez, juste avant les. Ouais, émule. Attends. C'est, tu dois savoir. Émule. Attends, en plus. Quand je vais le dire, tu vas dire bah oui, bien sûr. C'était l'émulation, donc. Bah oui, mais si ça vient de là. Ouais. Émulation. Non, dans les dés, dans les dés. Non, tu sais pas. Ah, dans par les exemple, dés, c'est le truc. Ah. Dans la presse. Daguerrophile. Exactement. Absolument. Comment tu sais ça? Bah, c'était Daguerre qui avait inventé sur plaque. Bah oui. Ah oui, le nom du collectionneur des plaques. Eh ouais, Daguerrophile. Bravo! Sherlock, merci. Quelle culture. Eh ouais, quand putain, même, tu devrais être paysan. Canon, une lettre. Hein? Mais une bravo. Lettre. R. Alors, est-ce que j'ai du R? Est-ce que j'ai du... Mais non, mais parce que je ne les ai pas toutes prises avec, parce qu'il y en avait tellement. Non, j'ai pas de R. N, O ou P. Allez. Il n'y a pas Q, donc P. Si, il y a Q. Q. Non, il n'y a, bah y a voilà. Pas Q. P. Donc P. P, alors P, on y va. Ça vient du même endroit. Ça vient assez. Alors, P. Qu'est-ce qui pourrait être sympa pour toi? Ouais. Ah bah tiens. Vas-y. Oh, c'est facile. Vas-y. C'est ta partie. Comment on appelle ça? Les collectionneurs de fossiles. De fossiles. En amo. En amo ou... Ouais, en amo. Un fossile en amo. Paléon. Je pense à ça, moi. Paléontologiste. Ouais, c'est ça. Paléontologue. Ouais, mais ça, paléontologue. C'est une profession. Paléontologue, ouais, c'est une profession. Mais non, c'est la paléontologie. C'est la collection des fossiles. Et un paléontologue, c'est celui qui étudie ouais, mais les fossiles. Métier, paléontologue. Oui, mais là, je te demande celui qui collectionne. Donc paléontologue. Paléontophile. Non, c'est celui qui aime ça. Ah. Paléontophile. Voilà. Ensuite, allez. Flip 4. Ah, vas-y. Je prends le pire. Alors, ou même un C, un D, un E, un F, un G, un H. H, tiens. Un H, j'en ai que deux. Alors, elle est simple celle-là. Ceux qui collectionnent les chouettes et les hiboux. Les ululophiles. Alors. Exactement. Waouh, wow, mais Sherlock. Il y a que ça à foutre de chez lui. à étudier des trucs à la con avec non, des films des une années culture, 80. Bien. Bah, écoute, Sherlock, il y en a un dernier pour toi. Bah ouais, quand même. Allez. Bah le G comme le point G. D'accord. Oh, c'est beau. Qui n'a jamais connu le point G, qui est un super resto hein, d'ailleurs sur Moucron. Voilà. À défaut de à défaut de plan cul. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien pour toi? Alors bah qui? Ouais, mais c'est trop facile. Qui collectionne les poules et les coqs? Un fermier. Ouais. Mais c'est Angers. Angers. Rappelle-toi qu'il fut un moment où on faisait des combats de coqs, c'était dans un endroit bien précis. Ah, un galophile. Un galodrome. Un galinophile. Pour les galinacés, ouais. Voilà. Et l'endroit où on fait les combats de coqs, c'est le galodrome. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Bravo. Et il en existe encore dans le Nord. Hein. Oui. Ouais. Il y en avait un, il y a encore quelques années, sur Waterloo, qui a fermé ses portes il y a une vingtaine d'années, je crois. Alors, je sais juste plus. À la frontière. Et dans les dom-toms, ça se... Il faut savoir qu'au musée La Piscine, à Roubaix, il y a une salle où on voit un tableau donc d'un combat de coq. Là, super connu d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Donc j'ai oublié le nom de l'artiste. Alors je sais que parce que je suis allé le visiter il y a quelque temps où il donne un, tu sais les petits testeurs qu'on a en en magasin de parfumerie. Ouais. Avec la senteur du Galodrome. Donc tu sens l'odeur de cigare parce qu'on voit des gens qui, ouais, sont des, voilà, qui sont peints dessus, qui fument le cigare. Mm-hmm. Tu sens l'odeur du sang qui est mêlé, l'odeur des animaux. Il y a un peu de tout et tout ça est mis l'odeur sur ce petit testeur en fait. Et il y a un même tableau aussi. T'imagines pareil, l'odeur, hein. c'est vous voulez de Lazzaro, du non, je voudrais mais un parfum Galodrome. Ils ont fait la même chose. Mais t'as raison, ils ont fait la même chose avec le tableau L'Histoire du Monde là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'arrive à sortir une connerie, vas-y. Attends au pire. Non, non, où on voit une femme qui écarte et on voit sa touffe, c'est l'histoire du monde. Il y a aussi un testeur. Et... Ils ont fait ça avec le lagon bleu. T'as les odeurs de cigare. C'est ça, de sang. Eh ben dis donc, et le temps passe très vite. Oh. Alors, oui, le temps passe. Alors, oui, le temps passe. Oh, mais que le temps passe vite. Eh ben écoute, alors, une petite coupure musicale, on retrouve tes sorties sinoches. Ou comme tu veux, hein, c'est toi qui décides, chef. Ouais, si, on va faire une petite... Allez. Allez, bah on va faire la BC Song. Allez. Ah bah vas-y. Ah bah oui. Ah bah oui, voilà. Allez, W pour moi. Okay, W, c'est parti. W. C'est le truc avec deux V. Tiens, Womack and Womack. Ah ouais, ouais. Oh, Teardrops ouais. Ou Celebrate the World. Celebrate the World. Celebrate the World. S. Bon, tu veux l'autre, Teardrops? Non. Ah, Teardrops, ouais, ouais. Non, mais c'est triché, ça. Non, c'est mais après, il m'a demandé W, genre. W, j'ai pas donné de nom. J'ai aussi du William Scheller, hein, s'il faut. Whitney non. C'est bon, ça aussi, William Scheller, on l'entend pas. Ouais, alors, donc, Teardrops. C'est vrai. Teardrops, on l'avait pas entendu non plus. Ah, des plus grands pays. Canon, vas-y, je t'écoute pour une S16. Eh oui. On dit pas putain, on dit Canon. Soupap. Comme Benoît. On dit Canon quand il était jeune. Oh là là. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Que j'arrive au S parce qu'il y a beaucoup de R. Et voilà. C'était du. Alors là, Sherlock, il va faire A, B, C, D. Alors je rappelle à nos éditeurs. C'est pour ça que je mets 16 parce que 26 c'est trop long pour lui. Alors S16. C'est quand tu veux, garçon. Ah parce que chez laquelle. Il y en a qu'un qui bosse. Chez laquelle ? Sandra avec Hiroshima. Voilà. Ah bah ça me dit rien. Tu as dit moi non plus. Excellent. Celle qui me plaît. Ah peut-être ouais. Ça me parle moins. Bon, allez, tu vas peut-être le découvrir alors de celle-là. Allez, bah c'est parti. Teardrops et Hiroshima. Thank you. No, no. Hiroshima, donc de Sandra. Alors, je connaissais un peu c'est moins. C'est ça, ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas la plus connue. C'est sorti vraiment début 90, hein. C'était fin 89, début 90. Donc. C'est comment elle s'appelait? Ouais, non, moi, je connais pas. Sandra. Bah, c'était une bombe, hein. Pour battre tout le monde. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Ouais, ouais, et elle portait des couettes aussi, Sandra. Non, mais Hiroshima. Non, mais j'ai bien compris aussi. Ah, oui, d'accord. Bon, ça va. Non, mais je me mettais à ton niveau, Flipkat. Non, mais c'est pas grave, mais tout ça, je l'ai toujours dit. Je croyais que t'allais faire sur les cendres. Et... Bon, et en tout cas, avant d'embrayer tout de suite sur les sorties cinoches de notre ami Sherlock, rappelons quand même, parce que c'est important, c'est qu'il va y avoir les portes ouvertes de la radio, et on n'en a pas parlé beaucoup. Ah oui. Et ça se passe donc ce week-end, le 22 et le 23 avril donc 2017, donc dans le cadre d'une opération qui s'appelle Wallonie Weekend Bienvenue. Donc c'est une opération qui vise en fait à laisser la porte ouverte. Alors je crois qu'il y a une vingtaine d'endroits ici sur Moucron que vous pouvez aller visiter, et notamment donc prêchons pour notre paroisse. Chionissa, c'est vrai. Ah, je fais une tête. Non, mais non, pas chez Onita, parce qu'il va y avoir du Onita. Monde. Onita. De mieux en mieux, lui. Il faudra arrêter la carmélite, garçon. Mais non, mais pas de pub. Il faut que tu parles de Duvel de Jupiter. C'est bon, voilà. C'était. Mais on est en Belgique, on n'est pas, c'est en France. Il faut ouais. Trois pubs. Non, mais blague à part, donc il y aura deux jours, donc de 10h à 18h, avec donc évidemment donc, les portes ouvertes de la radio. Vous aurez la possibilité d'y venir comme bon vous semble. C'est gratuit. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir la possibilité donc de vous essayer si vous avez envie de prendre l'antenne et puis d'essayer de venir parler un petit peu comme ça à l'antenne. Bah, surtout n'hésitez pas, c'est fait pour vous montrer un peu la vie à vie d'animateur. Donc il y aura tous les animateurs qui seront là pour vous aider si vous avez envie de passer un petit message. On a du souci à se faire, je pense. Pardon ? On a du souci à se faire. S'il y en a un qui est meilleur que nous, il va prendre notre place. Hein. Ah oui, j'espère bien. S'il pouvait prendre la tienne, déjà, ce serait pas mal. Et toc. Et non, et surtout qu'il va y avoir une exposition photo qui va relater donc toutes les 39 ans de la radio, parce que je vous rappelle quand même que ça fait 39 ans, avec toutes les émissions toutes confondues depuis le début donc de la radio. Il y a même des photos de 80 à l'heure. Et ouais. Et ouais, il y aura des photos de toutes les émissions que vous connaissez, bien évidemment. Il y aura le bar qui sera ouvert. En fait, tout le monde attendait ça. Ah, il y aura le bar. Ouais. On revient alors. Et surtout, évidemment, donc vous aurez la possibilité donc de visiter le studio, les coulisses, les animateurs. De vous quoi, visiterez vous... Sherlock. On peut visiter les animateurs. Vous pourrez visiter Sherlock. Ah, il y a de la place. Alors prévoyez la journée. C'est ça. Alors de fond en comble, les combles, ça prend une heure, mais. Alors oui, par contre, il faut se munir d'une lampe torche, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Ouais. Voilà, absolument. Donc voilà. Non, comment s'appelle la collectionneur de Sherlock? Il y a la lumière, mais pas tous les étages, hein, par contre. Donc c'est ce week-end. Oui, allez. Que se passe-t-il, R2? On m'appelle. Ça y est, Han Solo est revenu, il a retrouvé la princesse. Chiki. Non, c'est Chewbacca. Après Chewbacca. Là, c'est sûr. Ok, pas pour moi. Bon, allez, je vais essayer de vous donner envie d'aller au ciné. Ou pas. Bah, tu sais quoi, ouais. On va te laisser les clés, nous, on y va. Rien. Les salauds. Mais rien que quand tu ris, j'ai envie de regarder ton émission. On l'envisage le pire. Bon, alors. Non, je vais essayer de vous donner envie d'aller au ciné. En sachant que bah il n'y a pas forcément des films qui sont top quand il va nous donner envie d'aller au cinéma. Mais non, il y a que des merdes, mais bon, ouais. Bon, mais ça arrive des fois, il y a des semaines où il n'y a rien. Mm-hmm. Et je suis obligé d'essayer de trouver quand même des films qui peuvent vous donner envie d'aller bien sûr d'aller au ciné. Et là j'ai trouvé Sous le même toit. Farrugia. Ouais, c'est ça, Dominique Farrugia qui est à la réalisation. Avec Gilles Lelouch, Louise Bourgoin et Manu Payette en tant qu'acteur. Donc ça sort en France et en Belgique demain. Donc c'est Delphine et Yvan qui divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Ah. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'il va aller vivre chez son ex-femme dans ses 20%. Donc il revient vivre chez Delphine dans ses 20%, et donc les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée. C'est bon. Voilà, donc du Farrugia, mais enfin c'est la suite, hein, parce que Je crois que le premier film, suite, c'était Delphine 1, Yvan 0, qui c'est était pas sorti, la suite, mais il récupère ouais, le il nom récupère, des personnages. Il récupère c'est le nom des personnages, suite, ouais. Hein, ouais. Parce que le premier film qu'il avait fait, c'était Delphine 1 et Yvan 0, ça datait de 93 à peu près, donc ça date quand même. Hein. Ensuite, il y a United Kingdom, avec David Oyelowo, Rosamund Pike et Tom Felton. C'est un film de Amma Asante. C'est sorti le 23 mars en France. Chine, je vais t'aller le dire. Non, mais je ne l'ai pas dit. Amma Asante, ouais. Mais Amma Asante, bon. Ça me démangeait. C'est un bon film. Oui, oui, oui. C'est un bon film. Alors, donc, ça se passe en 1947. Seretse Khama, jeune roi du Botswana, et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Tout s'oppose à leur union, leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de l'apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, hein. ça Canon d'auteur. A l'air enthousiaste là. Ouais, mais derrière mes conneries, c'est un film d'auteur. C'est beau parce que voilà, il y a tellement de différences. Que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Il y a une bonne critique sur ce film. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un film d'auteur. C'est un... Alors, ensuite, il y a le film Life, origine inconnue, qui va plaire à Flipcat. Ouais. Donc, c'est avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Donc, Ryan Reynolds, pour ceux qui veulent le fils de Burt. Le fils de Burt, ouais. Non, non, c'est celui qui avait fait Deadpool. Ah, c'est pas celui qui a lancé Crieux, là. Non. Donc, ça sort en France et en Belgique demain. Donc, à bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d'équipage font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité, la toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, les expériences vont avoir des conséquences inattendues et la forme de vie révélée va s'avérer bien plus intelligente que ce qu'ils pensaient. Ça c'est du réchauffé quand même. Hein. Ça fait un peu penser à Alien. Ça fait un peu penser à du Alien, mais après, ben, on verra parce que la bande-annonce, ils en montrent sans trop en montrer non plus. Enfin, en même temps, il faut quand même se dire une chose. Les bandes annonces sont là pour vendre le film. Ouais. Donc ouais, elle est forcément bonne, la bande annonce. C'est toujours le truc. Hein, ouais, le problème aussi, c'est qu'il y a parfois, tu as des films, t'es attiré en voyant la bande annonce. Tu penses en voir plus et en fin de compte, ils ont montré le meilleur en fait. C'est ouais, ça. Non, mais c'est ça. Vous voyez, le dernier film, je me suis fait griller là-dessus, c'est avec La Muraille de Chine. Ouais. Voilà, ça vous parle récemment La Grande Muraille. Ouais. Je me suis fait avoir complètement. Je croyais que ça allait être de l'héroïque fantasy avec de très bons. C'est Matt Damon. Ouais. Et oh là là là. Bah oui, souvent tout est dans la bande-annonce. Il y a trois fois 3 minutes d'effets spéciaux assez impressionnants. Le reste du film, c'est d'une platitude, on peut tout mettre à plat. C'est de la merde quoi. Ouais. Non, mais tu te dis. Il y a une belle bande-annonce, il y a un acteur bankable, il y a des effets de trucs, évidemment les 2-3 cascades tournées très très bien avec des effets spéciaux, ils sont mis tout de suite très rapidement, et tu te dis, boah, tu vas en prendre plein la gueule. Ça tombe franchement. Ah, moi j'avais eu le tour avec un film, c'était SMS, c'était avec Guillaume de Tonquédec. Sadomaso Sherlock. Non. Joli. J'adore. Excellent. Ah, mais ça, c'est pas sorti au cinéma. J'aime quand ça c'est comme ça. Très vite. Non, c'est bon. C'était avec Guillaume de Tonquédec qui joue notamment dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Qui joue le rôle d'un Le Pic, le gars qui est un peu plus. Ça, c'est mon surnom. Oui, le pic à glace. Et en fait, dans la bande-annonce, il y avait quasi tout le film, toutes les blagues. En fait, ça tenait sur 2 minutes de bande-annonce. Ouais, je suis pas étonné. Bah donc, j'ai été déçu parce que j'avais vu tout le film en voyant que la bande-annonce. Mais voilà. Mais bon. Et je vais finir avec donc un film qui s'appelle Mes vies de chien. C'est avec Britt Robertson, K.G. Apa et John Ortiz. C'est un film de Lasse Hallström. Et ça sort en Belgique le 26, donc la semaine prochaine. C'est quelle nationalité ce film ? Américaine, mais Lasse Hallström, il n'est pas américain à la base. Il est suédois, je crois. Et donc, qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où... Il se marie. Ah, il meurt. Ah non. Dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. C'est ça. Forcément, le chien vit moins longtemps que nous. Non. Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement ? Et oui, en fait, Bailey, réincarné tour à tour en berger allemand, Golden Retriever ou Labrador, vivant des aventures palpitantes comme chien de sauvetage ou la destinée sereine d'un petit chien de compagnie, Bailey va se découvrir existence après existence, un but, retrouver son maître Ethan coûte que coûte. J'ai vu la bande-annonce. Ça peut être sympa, en fait. Ouais, ça m'a l'histoire, elle est mignonne, elle est mignonne. Super donné envie d'aller le voir. Ah, bah, c'est mignon, que... c'est mignon. Ouais, mais c'est vrai que c'est, en fait, c'est vrai qu'on se place toujours du côté des humains, mais là, en fait, ils ont pris le truc de réincarner le chien, et le chien qui pense toujours à son maître, et on voit qu'il vit plein d'aventures avec d'autres maîtres, mais il cherche toujours à retrouver son Mais le dernier réalisateur qui s'est mis dans la peau d'un chien pour l'interviewer, pour savoir à quoi il pensait, une fois qu'il a été réincarné, c'est... Mais franchement, ouais, je trouve le concept assez pas mal, sympa. Ouais, pas d'accord, c'est mignon. J'ai adoré le début jusqu'à ce qu'il meure. Non, mais parce que je trouvais qu'il y a une profondeur du mec qui perd son chien qui essaye de reconstruire, mais le chien après qui vit de multiples vies pour trouver son maître. Après, bah, j'imagine que c'est plutôt c'est pour beau. Les enfants. Enfin, ouais, c'est beau. Ouais, c'est pas pour les gamins. Ouais, c'est plus. Mais ça m'a l'air franchement pas mal. Je préfère 3700 nuances de plus encore. Et alors, par contre, je suis allé voir Fast and Furious 8. Oui, alors justement, tu voulais nous en parler. Ce week-end, ouais. Bon, j'aime bien, hein, moi, ce style de film où il y a de l'action, de l'adrénaline un peu tout le temps. Donc, cher auditeur, n'allez pas le voir. Voilà. Non, bah, franchement... Ah si, moi, j'ai vu... allez, on a... Non, je plaisante. Non, bon, mais alors, il faut savoir que Vin Diesel n'est bankable que pour ce film-là, en fait. Hein. Ouais. C'est normal, il a c'est fait, des trucs de voiture, donc Vin Diesel, forcément... Oh non. Mais, si, c'est bon, c'est bon. Mais, mais j'adore. Non, mais notamment, il a fait le dernier Chasseur de sorcières, ça a fait un flop. Tout ce qui est Chronique de Riddick, qui est excellent, mais ça fait un flop aussi, à part le premier Pitch Black qui a été très très bien accueilli. Sinon, les autres sont beaucoup moins bien accueillis par le public. Mais par contre, Fast and Furious, c'est vraiment sa saga, en fait. Hein. Ouais, quand vous voyez une photo de Vin Diesel récemment... Triple X, ouais, c'est vrai, Triple X. Et par contre, donc, là, c'est le numéro 8. Il va y avoir un numéro 9 et 10. Qui va sortir en 2019. Le numéro 10 doit sortir en 2021. Ouais. Et on sait déjà qu'apparemment, il devrait y avoir des spin-offs qui vont se concentrer sur un ou plusieurs personnages. Alors... Comment ils construisent des voitures? Non, pas forcément. Mais alors, dans les derniers épisodes, il y a Monsieur Personne, qui est joué par Kurt Russell, qui est en gros une sorte de... Ouais. Mais ça, c'était avant le tournage, Vin Diesel avec non, le non, Covid. Non, c'est... Voilà, il faut peut-être qu'on explique à nos auditeurs pourquoi. Ouais, voilà, c'est vrai, un peu, parce que Canon, il nous montre une photo de Vin Diesel qui est pas... Tapez Vin Diesel photo et vous aurez une photo d'un paparazzi il y a un an. Il y a un an, qui a tapé la photo, etc. Je connais aussi Odop Première et je vous assure qu'on en fait des trucs. Regarde 300. tu vois ce que je veux dire, là t'as Vin Diesel. C'est impressionnant. Ils vont apparemment peut-être faire un truc du style les Avengers, ouais. Où quand ils sont tous ensemble, ça fait Fast and Furious, ouais. Et quand ils sont à part, ça fait vraiment les films. Ouais, voilà. Fast et côté Furious. Alors bon, dans les personnages qui seraient le plus indiqués pour faire ça, ce serait Dwayne The Rock Johnson. Ah oui. Qui joue le lieutenant Hobbs. Qui lui pourrait faire un personnage avec des enquêtes ou des trucs comme ça, quoi. Mais donc là, j'ai été voir ça, c'est de plus en plus dans la démesure. Mais c'est ça le principe du film aussi. Hein, bah oui, on fait des cascades improbables. C'est ça, ouais. Mais alors dans l'avant-dernier, je crois qu'ils étaient poursuivis par un char d'assaut. Là, c'est un sous-marin. Un sous-marin. Et eux, ils sont en voiture. Et eux, ils sont en bagnole. Il y a un marin qui est au volant. Il est complètement sous le marin. Non, parce que alors, c'est... Celle-là, elle est moins bonne. Attendez, les gars. Je reste lucide. Des voitures poursuivies par un sous-marin. Oui, ça vous choque pas. Alors, parce que le sous-marin est dirigé électroniquement par Charlize Theron. Et il est toujours sous l'eau. La méchante. Ouais, enfin, il arrive à la surface à un moment. Il est amphibie. Oui. Les sous-marins, ils remontent. Il est quand même dans l'eau, mais il dépasse un pour peu l'eau. Pour reprendre de l'air, comme les sous-marins quand ils remontent à la surface. Un peu comme les baleines. Mais la voiture n'est pas dans l'eau, les gars. Ils sont sur la glace. Parce qu'ils sont en Russie. Bien sûr, et le sous-marin, il va plus vite que la voiture. Je vois très bien, ça y est, le kiosque qui est en train de péter la glace, qui avance pendant que les bagnoles sur la glace. Voilà, c'est ça, ouais. J'imagine. Mais voilà, classique. Mais alors, mais c'est, si j'avais c'est fait le film, c'est de pire en pire, j'accroche pas. Je me dis, dans le prochain, ils vont faire quoi? Ça va être un avion, et le suivant, c'est une fusée, ouais. Ou un truc comme ça. Donc, je me dis, bon, ben, jusqu'où ils vont aller? Ouais, ouais. On va voir Sherlock. Peut-être. En Casimir. Oh, yeah. Et vous imaginez, Sherlock, vous avez vu le film Thor? Tu sais, Sherlock, ouais. Qui tend avec la glace, et, qui tend son bras, et pouf, un micro RQC. Qui se met à courir. Ah, oh, j'imagine, ouais, ça reste tout nu sur la glace en plus. Ah ouais, non, mais. Non, mais alors, bon, le film est vraiment sympa. Il y a un petit clin d'œil également à Paul Walker dans le film. Ouais. À Paul Walker. Ouais, Paul Walker, bah, qui est décédé, hein, ouais. Lors du tournage du numéro 7. C'était un Texas ouais. Rangers, hein. Non, ça c'était Cordell Walker, c'est pas vrai. Donc, il y a. On retrouve également Jason Statham, qui fait une scène à la fin du film, mais à pisser de rire, parce qu'on l'attend pas. Mais c'est pas le but. Bah, à ce moment-là, si, franchement, c'est on marrant. Rit dans Fast and Furious 8. Ouais, on rit. Bah, il y a déjà. Tyrese Gibson qui joue le petit rigolo de service, ouais. C'est un des blacks du film. C'est toujours les blacks, les blacks ils font toujours. Ouais, il est toujours en train de sortir des petites vannes. Et alors là, sauf quand il arrive dessus en boîte et qu'il dit arrête de toucher à ma meuf. Alors Jason Statham justement qui lui fait le rôle d'un gros dur. Pendant tout le film, il se lance des vannes avec The Rock. Et à la fin du film, en fait, il se retrouve avec un bébé. Et c'est super marrant, quoi. Je peux pas la décrire, la scène. Bah non, parce que déjà, ils vont pas le dire. C'est vraiment marrant, et franchement, rien que pour ça. Tu vas pas spoiler, quand même. Non. Je vais pas spoiler qu'à la fin, Vin Diesel meurt. Oh, non, c'est bien! C'est bien! Mais si, spoiler, c'est alors, bien. Alors, les gars, vous iriez voir quoi, alors? Onissa? Avec le petit chien. Mévitien. Moi, j'ai le roi Black, là, avec la femme. Ouais, United Kingdom. Ouais, et l'autre avec Alien. Ah oui, Life. Life. Excuse-moi les noms. Mais... Ah bah, Life. Hein. Ouais, Life, ok. Et toi? Fast and Furious, j'en ai un petit peu... Bah écoute, je vais accompagner Onissa. On ira voir Novitch. Ouais, comme ça, je viendrai pleurer dans tes bras. Absolument. Je peux faire la chienne. Hein. Et non, c'est moi. Les gars, j'ouvre juste une parenthèse, parce que je regarde rarement les films années 80, mais je vais aller très vite. Hier, j'ai regardé Le Choc des Titans, la première version. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mon Dieu. Mais c'était pas 80, ça, c'est même avant, je pense. Ah, j'en sais rien, mais alors les trucages. Oh là là. Ah oui, bah oui. Ouais, mais quelque part, pourtant, c'était pas mal. J'ai accroché jusqu'au bout pour voir jusqu'à quel point c'était nul. Jusqu'au bout, c'est nul, hein, mais c'est affreux. Mais dis-toi pour l'époque, c'était révolutionnaire. On a une époque, hein. Ouais, quand tu regardes le premier Star Wars maintenant, tu te dis, c'est pas possible. Ah ben non, moi je trouve que si. Ouais, le premier en 1960. 14, 17. 70. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que bon, c'est tellement téléphoné, mais bon, c'était l'époque, quoi. Ils pouvaient pas faire autrement. Bah, moi, pour faire un petit flashback, pendant les vacances, c'est que mon gamin s'est tapé le Mad Max 1 et 2. Ah ouais, et bah, il a bien aimé. Bah, ouais. Pour un gamin de 10 ans. Surtout que le 1 est un peu difficile à comprendre, quand même. Oui. Ouais. Ah, Mad Max. Autant le 2, ça se met en place. Le 1, c'est. Et il n'a pas trouvé ça un peu trop gore c'est Mad Max. Un peu trop gore il y a quand même pas mal de sang, quoi. Non, il y a des scènes qui l'ont fait rire. Notamment la scène du boomerang avec l'autre qui dit je l'ai. Qui se fait couper les doigts, quoi. Il était mort de rire avec ça. Et Max, c'est dans le 2 qui se fait couper la main. Tu confonds avec Evil Dead, toi. Il se fait pas couper la main. Non, Max. Pas une seule fois. Non, il se fait tirer. Dans le 2, il se fait tirer une balle dans le genou. Et dans le 3, il est libre. Max. Il est libre, Max. Non, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, une course poursuite, sa voiture, elle part sur le... Ah, mais je pensais qu'il y a un moment, il y avait la main coupée ou... Mais par contre, il s'extrait de sa bagnole qui retournait, qui a fait des tonneaux, et les motards s'arrêtent et lui tirent une balle dans le genou. Il lui explose son genou. Je me rappelle pas, après, je revois. Vous avez vu le dernier? Oui. Non. Non. Bah, c'est un remake, donc... Ah non. Bah, c'est un remake. Non. Il n'y a pas Mel Gibson dedans, je veux non, pas c'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Le 4, hein, on est bien d'accord. Le dernier qui vient de sortir, il y a... Pourquoi, c'est une suite? Non, c'est Mad Max, mais Road Fury. Bah, c'est un remake, non. Un reboot, alors. Ouais, mais c'est complètement... Non, mais c'est pas un remake, c'est... Mais ça a été fait par Miller, voilà. Déjà, ça, donc ça reste dans l'esprit. C'est sûr, c'est plus Mel Gibson. Mais je trouve que l'esprit a été respecté. Ah bah, c'est complètement... voilà, c'est filmé en 4K, c'est filmé en 60 images secondes, c'est fait avec des effets spéciaux phénoménaux. Les acteurs sont défoncés, démembrés. C'est des trucs de malade. Ils sont complètement dans l'univers Mad Max. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je me dis, il n'y a aucun film moderne qui peut donner envie de retrouver le... Si, Gibson dans Mad Max, pas le 1. Ouais. Mad Max, c'est Mad Max. Mais c'est autre chose quand il perd sa femme et tout ça, mais on en est quand même encore avec les flingues et tout, on est quand même à notre époque, mais un petit peu en chaotique, on n'est pas encore dans le monde après le Dôme du Tonnerre et tout ça. Par contre, le dernier qui est sorti, mais il est complètement barré, c'est un film de malade mentaux. Ouais. C'est incompréhensible. J'avais une appréhension, moi, parce que je me disais, c'est pas Mel Gibson, et tout compte fait. La bonne chose, c'est que ça a été fait par Miller, une fois de plus. Film 4, oui. On dit ça. On demanderait pas à Canon de faire les sorties Cinoche. Il nous donne un peu plus envie, quand même, non? Non, il a bien fait son travail, Sherlock. C'est pas lui qui signe son contrat. Hein. Non, t'as dit. On t'a dit simplement que je te donnais plus envie. Sexuellement. Bon, et les gars, écoutez, là, la fin de l'émission approche à grands pas, vu qu'on a déjà dépassé. Ben oui, on l'a dépassé, d'autant plus qu'il y aura les scénettes, donc à 23h, donc il faut laisser le temps de passer donc, ces petites scénettes. On va se quitter sur ces derniers mots. Allez, on va laisser le dernier mot à Onissa. Oui. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, ben non, on va le laisser à Canon. Une belle semaine. Eh bien, pas à toi, Volo. Ok, ça marche. Bonne semaine à toi, Onissa. Canon. Idem. Semaine prochaine, on se voit pas? Non, je serai pas là. On va taper sur les doigts. Oh non, je serais pas mieux, 8 lettres. D'accord. Allez, une petite chronique à l'arrache, tu nous fais ça. Ah, mais écoute, il va falloir. Pas de musique, pas de papier, tout dans la tête. Tu nous fais une chronique sur les forbans. Allez, hop, non, attends, j'ai fait. Il n'y aura pas d'épisode des vagabonds. Les meilleures choses ont une fin, garçon. Bah non, mais moi j'étais pas là. Ah bah tant pis pour toi. Par contre, je vais faire les formants. Sauf le saucisson qu'il y en a deux. Oui, tout à fait. Bah fais les formants. C'est comme banane, ça commence avec un B, mais normalement ça commence avec un N. C'est ça. Voilà. Bon, les amis. Charlotte, merci à toi. Ça commence avec un. On termine en musique, on se retrouve la semaine prochaine, même heure antenne, bien évidemment. Avec un invité. Avec un invité qui est Jean-Philippe Huguet, donc photographe. Tu peux développer. On pourrait dire qu'il est professionnel, mais il est amateur. C'est pas son métier principal, mais en tout cas, il couvre les événements de la région. Je vous parlais tout à l'heure la jungle. Il fait des photos. Mais il existe. Il est talentueux. J'ai regardé ce qu'il a fait. Ouais, c'est un reporter. Ouais, voilà. Donc il fait bien sûr des shootings de demoiselles ou ce genre de choses, des shootings à la demande. Mais en même temps, il fait des événements. Il couvre les événements. Il travaille très très bien. Il va donc commencer une exposition là d'ici quelques jours sur Waterloo. Il va nous en parler et nous invitera aussi d'ailleurs au vernissage. Donc je compterai sur vous. Il sera là donc la semaine prochaine pour nous en parler. Donc c'est Jean-Philippe Huguet, H-U-G-U-E-T. Allez voir sur Facebook ce qu'il fait, c'est formidable. Génial. Et voilà. Et là, on va se quitter. Donc, on parlait de Mad Max avec Tina Turner We Don't Need Another Hero. Yeah. Alors, ça, c'est Mad Max 3, ça. La bande du film. Sous le Dôme du Tonnerre. Sous le Dôme du Tonnerre. Tina. Tina, elle est là. C'est guitare, la même. Alors, est-ce qu'elle est refaite ou pas? Pardon? Non. Elle a au moins 70 ans, quoi. Elle a passé 70 ans. Ah oui, mais après. Elle est merveilleuse. Mais c'est genre une diva. On est des comédiens et des acteurs. Quand tu la vois et tout ça, il faudrait une fois. C'est énorme. Comment elle était en train de parler avec une journaliste de presse de BBC One, machin. L'éclairage n'était pas flatteur. Et là, elle s'exprimait. Et pour moi, elle revenait de tourner. Le maquilleur, ça a été vite fait. Oui. Ah, mais elle a 70 ans, quoi. Oui, mais là, j'avais fait une chronique sur Tina Turner. Ouais. Parce que les blagues, déjà, je sais pas si elle a pas 72 aujourd'hui. Mais là, tu le voyais. Pas impossible, ouais. Et par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu un moment donné, quand elle faisait des tournées, quand elle montait sur scène, ses jambes étaient assurées. Ah ouais, si. Hein. Elle a des guitares phénoménales, quoi. Ses jambes. Elle a super jambes. Tu regardes dans. Des guitares, quand je dis des guitares, c'est ses jambes. Tu regardes dans le Dôme du Tonnerre. Elle a 77 ans. Ah, tu vois. 67 ans. J'étais loin du compte. Mais elle a des belles jambes. Oui. Donc c'est ça qu'on regarde, nous. Mais... J'avais 75 en tête, donc j'aurais pas dit de conneries. Quand j'avais fait la chronique, il y a bientôt 2 ans de ça, j'avais dit 75 ans, donc c'est bien ça. Ah ouais, terrible. La mamie du rock. Il y a deux mois. Ouais. Allez, bon, on se quitte tout de suite avec Tina Turner, We Don't Need Another Hero, et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. But we need another regisseur. Bonne soirée, bye-bye. Bonne soirée à tous, à bientôt, ciao. Ciao. All else are castles built in the air.